bonsoir tout le monde, c'est parti en direct jusqu'à 23h, c'est la libre antenne d'Alex, on est parti pour une saison ensemble, évidemment, nouvel horaire, nouvelle émission, voilà, on a tout changé dans cette libre antenne, voilà, bienvenue en tout cas jusqu'à 23h, je suis ravi de vous retrouver, putain je suis comme un gosse là qui a passé 2 mois et je suis, voilà, c'est comme si j'ouvrais un nouveau cadeau de Noël, voilà, je suis comme un gosse là, je suis très heureux d'être avec vous en tout cas jusqu'à 23h, soyez bienvenus tout le monde. Alors je vais vous présenter l'équipe si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir sur les réseaux sociaux, et ben on va commencer par un des pionniers de cette libre antenne évidemment, car ça fait des années qu'il me suit, tellement qu'il y a des araignées sur son micro, tellement que son micro est toujours utilisé. C'est Al, bonsoir Al, ça va? Oh yeah! Ça va bien? Ouais, ça va tranquille. ça vous avait manqué ça. Bienvenue tout le monde, ça va Al? T'as passé de bonnes vacances? Bah écoute, tranquille, ouais, ça fait bizarre de reprendre quand même. Ah bah effectivement, là, bienvenue tout le monde en direct, on va présenter toute l'équipe. Il fait partie aussi des pionniers de sa libre antenne, je vais aller dans l'ordre, on va présenter Quentin. Bonjour Quentin. Je suis pas pionnier non plus, mais merci de m'avoir présenté. Ça va Quentin, parle bien ton micro. Ça va super. Ah voilà, Quentin, notre réalisateur évidemment, qui est toujours là. T'as passé de bonnes vacances? De bonnes vacances, ouais. Bah Quentin, énorme. Quentin, il a passé tout l'été avec moi dans le morning. Et puis le Pathetic. Ah ouais, n'en pouvait plus, t'es au bout du rouleau. Voilà, bienvenue évidemment, et puis il fait partie également de nos anciens. C'est Ben qui est avec nous, alors il passe de Ben le stagiaire à Ben normal, Ben tout court, voilà, donc il est très heureux de cette réussite. Promotion. Voilà, ça va bien Ben? 10%. Ah bah écoute, très très bien. Suceur. On va augmenter un peu. T'as passé de bonnes vacances Ben? Bah ouais, carrément. Ouais, ouais. Parle un peu plus près pour qu'on t'entende mieux. Ben il a plus l'habitude de parler près d'un micro. Oh là. Bon, mais remonte un micro, vieux. La voix que vous entendez, c'est un des nouveaux animateurs. Maintenant ils sont tous. Alors ça c'est des anciens. Maintenant il y a des tout nouveaux. Ils viennent d'arriver dans cette libre antenne. Bon on va commencer, tiens, pas dans l'ordre. On va commencer par notre ami Jo. Ouais. Qui est avec nous. Salut Jo, tu vas bien? Salut, ça va? Ouais, c'était moi. Il y a un nouveau concept. Je parle de Jo, pas de Jo. Ah, on a dit Jo, pas Jojo. Écoute, hein. Bonjour Jo, ça va bien? Je vais très bien, merci. Ah bah, t'as passé de bonnes vacances? Très bonnes vacances. Très heureux de nous retrouver dans cette libre antenne. Oui, oui. Première oui. fois pour toi, dépucelage. Voilà, bah, ouais, voilà. Permacutis, soir. Et bah voilà, ça c'est bien. Allez, notre seule fille dans la bande. Ah, ça va prendre cher. Grosse gogo. Alors on dit bonjour à Alison, bonjour Alison, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Question ouais. importante, est-ce qu'elle suce ou pas? Non. Oh. Non, il faut savoir. Alors, parlez pas tous en même temps parce que sinon les auditeurs vont rien comprendre. Alison, ça va bien? T'as passé de bonnes vacances? Impeccable. T'es prêt à vivre une saison de malade? Mortel. Et bon, en tout cas, ça va être. On sent l'envie dans la voix quand ah même. Ah ouais, effectivement. Aïe, aïe, aïe, ça fait peur. Avant de présenter le meilleur pour la fin, on va présenter Tonton Magné. Bonsoir à tous. Ça va bien? Bah écoutez, moi ça va très bien. Ah, voilà, Tonton Magné le qui va être. Du direct. Qui. On range pas ton grand parce que. Tonton Magné, notre nouvel animateur également, qui va beaucoup axer cette saison sur le sexe. Hein, parce que toi, bah, je fais ce qui marche, moi. Hein. Donc, on m'a demandé de faire ce qui marchait, moi je fais le sexe. Ça marche toujours. Hein. Voilà, et puis évidemment, le dernier pour la fin, parce que ça va être une perche ici dans cette libre antenne, un des années. Une perche, s'il te plaît. Le 9ème, c'est Fred. Ouais, c'est alias moi. Jojo. Oui, bah oui, parce qu'il faut. Hein, excuse-moi, Jo, mais c'est Jojo, moi. Ça va tout le monde? T'as passé de bonnes vacances? Bah j'ai travaillé ouais tout l'été ouais. Ah bah, pas de chance. Pas de chance. Mais ah, là, je t'ai pas demandé si t'as passé de bonnes vacances. Oui ça a été. Oh, lui on s'en fout. Hein. Ça commence. Mais non mais t'inquiète pas. Je me concentre. Allez bienvenue tout le monde en direct jusqu'à 23h dans cette libre antenne. Alors on va vous présenter les toutes nouvelles rubriques également. Il y a toutes les anciennes mais toutes les nouvelles. D'ailleurs n'hésitez pas hein, si vous voulez réagir toute la soirée jusqu'à 23h avec le hashtag rentrer à Mixler. D'ailleurs beaucoup de messages. On remercie d'ailleurs notre ami Kev qui a fait sa première émission ce soir. On peut l'applaudir. Ouais oui. Bon c'est bon. Alors, en tout cas super pour lui, en tout cas beaucoup de messages pour lui et cette nouvelle émission reprend dès lundi hein, d'ailleurs dans le Before juste avant les brantins entre 20h et 21h. Alors il y aura les nouvelles rubriques, il y aura Info à Tox oui. avec notre ami Quentin. En disant bien c'est mieux. Hein? En disant bien c'est mieux. Ah ta gueule. Oh Info à Tox avec notre ami Quentin. Ouais toujours. On aura Vie de merde avec Jo. On aura aussi. Exactement. Voilà, vie de merde, on aura Joe. On aura le fameux jeu des 5 mots que Al aura l'occasion de tout à l'heure d'appeler l'ancien. Des hôtels. Le doyen, ça change pas. Moi, ça. Ah, le doyen, radio, oui, mais pas niveau âge, parce que maintenant Fred a battu le. Enfin, non, on va pas commencer comme ça. Il y a deux coups, alors je voudrais être solidaire avec Jojo parce qu'on a quasiment le même âge donc S'il te plaît. Par contre on vous prévient de suite si votre seule année sur Radio Mixplore après c'est direct RTL hein. Putain c'est promis. Ah, au moins vous êtes prévenus. Alors après on aura les infos insolites avec Alison. Tout à fait. Ah là là. Bon l'info insolite on aura la minute. Alors ça va être tous les soirs avec Ben. Les infos gaming avec notre ami Ben ouais, c'est ça. Wallah, il y a une nouvelle sortie. Il y aura les infos solides. Gaming. Ouais. Ah, ça se dit comme ça. Ouais. Ah ouais, merde, c'est voilà, plus, c'est plus l'équipe. Attends, faut lui expliquer. En fait, gaming, c'est les nouvelles infos des jeux vidéo. C'est ça. Comme ouais. La Sega Master System, là, tu vois, à l'époque. C'est ça. Donc, si t'es encore sur l'Atari 2600, t'oublies direct. Oui, je suis à l'Atari encore. Par contre, parlez pas tous en même temps, parce qu'il faut, sinon on comprend pas. Excuse-moi. J'adore parce que tu regardes Jojo avec son casque, on dirait qu'il part à l'avion. Wallah, il est chef de chantier. C'est. Je voudrais juste dire, c'est les casques que Al a acheté quoi. C'était soit ça ou t'étais cul nu, sans oreille, sans rien. Hein. On aura la rubrique sexe avec Tonton Manier. Ah, bien sûr, bien sûr. J'en suis tout oui. On aura le Avez-vous vu Chantal également. On appellera les petites vieilles dames, voilà, c'est un peu méchant. Puis on parlera également du sujet. Et on aura la toute nouveauté de cette année. J'espère qu'en tout cas ça va cartonner. On va l'appeler d'ailleurs ce soir tout à l'heure en fin d'émission. Ça sera les appels de Charlotte. C'est un petit peu, on va l'appeler des pervers. Voilà, donc on va s'appeler comme avec ça. C'est salut, c'est Charlotte. On va s'appeler un petit peu des. Salut, c'est Charlotte. Des appels un peu pervers. Faut que je vienne te mettre des gueules dans la chatte là. C'est le genre de choses comme ça qui peut arriver. Alors, je peux pas trop en balancer parce qu'il est un peu trop tôt, mais c'est genre. C'est le genre de choses. Les enfants, allez-vous coucher. Ouais. Tu vas appeler Jojo, quoi. Tu vas appeler Jojo. Alors. Alors, déjà, je voulais passer un coup de gueule dès le début de mission. Déjà, ma rubrique, déjà de une. T'as même pas présenté ma rubrique, donc. Pourquoi c'est pas marqué sur mon conducteur? C'est vrai, tu peux pas. Ah oui, c'est vrai, c'est même pas marqué. Oui, bah, c'est pas grave, ce soir, je ne le fais pas. Tout le monde est vachement con. C'est les coups de gueule de Jojo. Hashtag, j'ai rien préparé. C'est les coups de gueule de Jojo. C'est ça? Alors, qu'est-ce que ça va être ta rubrique? J'en sais rien. On verra. Bon voilà, alors je vais peut-être démarrer cette émission par un petit coup de gueule par rapport aux deux petits nouveaux Geoffrey et Allison. Parce que vous faites des vidéos plus que médiocres, déjà d'une. Salut, c'est Geoffrey. Salut, c'est Allison. Nous sommes les nouveaux animateurs de Radio Mixplore. Les Minicum. On dirait les frères Bogdanov, mais en mix en fait. C'est un peu bizarre. Et 50 ans de moins. Et tout à l'heure, vous avez fait un live Facebook. Et j'ai entendu sur live Facebook, je l'ai noté d'ailleurs. Encore à l'apéro, bande de trous du cul, dit Geoffrey dans son live Facebook. Voilà comment se faire afficher en toute beauté. Est-ce que tu confirmes d'avoir dit ça? Ah mais je confirme totalement à 200%. Ouais, bah tu vas voir après. Il y a une phrase qu'on n'a pas dit et qu'avant on disait en fait, c'est t'es viré, dégage. Moi je sais pourquoi faire, ils font des vidéos comme ça. France. Pourquoi? Parce que tout le monde parle en même temps, ça va parler de quoi? Non mais moi je sais pourquoi faire, ils font des vidéos comme ça. Pourquoi? Bah c'est pour tourner dans Jackie Michel. Merci. Grosse gougoute. Bon voilà, en tout cas soyez bienvenus jusqu'à 23h, on est là ensemble, on va faire connaissance un petit peu de toute l'équipe et puis on fera pas mal de rubriques, on parlera également plein de choses, voilà, bref, en tout cas parti jusqu'à 23h, on fera le sujet, n'hésitez pas avec le hashtag rentrer à Mixfloor, tous vos messages également, en attendant d'avoir un tout nouveau système, alors je voulais dire par rapport à deux petites choses, le nouveau système de dédicace arrive très bientôt, donc du coup vous pouvez balancer vos messages à chacun des animateurs et puis le reste, si vous voulez l'application mobile de la radio, elle est en pleine mise à jour, donc vous pouvez pas écouter, mais vous pouvez écouter également sur le site internet de la radio, si vous voulez vous brancher sur votre portable, vous téléchargez l'application Orange Radio. Je fais pas de pub pour eux, mais ils peuvent nous diffuser. Voilà, en tout cas, bienvenue jusqu'à 23h. C'est la libre antenne. Oh, j'ai plus l'habitude, j'ai perdu la main. Ah là là, bienvenue tout le monde jusqu'à 23h. Si vous voulez réagir avec vos hashtags, rentrez à du Mixfloor. C'est qui rigole? C'est bienvenue, le son de DJ Snake. Welcome. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. bonne soirée tout le monde. DJ Snake à l'instant, Justin Bieber, Let Me Love You. On est ensemble jusqu'à 23h, c'est la libre antenne. Bon courage en tout cas à tous ceux qui partent travailler. Merci d'être avec nous là pour cette rentrée Radio Mix Floor plus que folle. Évidemment, c'est ici que ça se passe. Jusqu'à 23h, Alex libre antenne sur Radio Mix Floor. Everybody! On est ensemble jusqu'à 23h, je suis désolé pour cette première intervention, ça sature un petit peu, mais c'est normal que tout le monde parle en même temps. Donc, mais bon, ils sont très contents, ils sont excités comme des puces d'eau, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, il y a Al qui est toujours avec nous en direct. Yes. Il y a Ben Nostalgier qui est avec nous. Ouais. Ah Ben, excuse-moi, à chaque fois je dis Ben Nostalgier, mais c'est une habitude. Ouais, non, oui, excuse-moi, je n'ai plus l'habitude. Il y a Ben qui est avec nous. Oui, c'est moi. Il y a Jo qui est avec nous. Hey. Il y a Alison. Oui. Il y a Jojo. Oui. Il y a Tonton Magné. Ziz. Et il y a Quentin qui est avec nous également à la réalisation. On est ensemble jusqu'à 23h. En tout cas, bonne soirée. Merci d'être avec nous. Ça fait bien plaisir. Alors, je me demandais si, une petite info là, avant que la pub arrive, vous avez passé de bonnes vacances là ? Ouais. Ouais. Il n'y a pas un qui veut dire qu'il a passé des vacances. Il n'y a plus un qui veut répondre. Enfin, moi, les vacances, ça m'a coûté un orteil quand même. On s'en fout. J'ai réussi à me casser un orteil pendant les vacances. Pourquoi ? Bah, c'est ça. Elle rigole parce qu'elle connaît l'histoire. En fait, en pleine nuit, j'ai eu une envie d'aller aux toilettes. Puis j'ai... Ouais, si tu veux. C'est pas... Et j'ai bravé, ouais, je vais y aller, je traverse tout l'appartement dans le noir, y'a pas de problème. Et puis, arrivé aux toilettes, je me suis tapé le pied dans la plainte de la porte et boum, un orteil. Moi, ah, 2000 auditeurs. Ça fait mal, hein. Ah là là. Il faut arrêter de le laisser parler tout seul, mec. Y'a la courbe d'audience qui vient de chuter là. Quand Geoffrey il parle, ça fait un petit peu ça. Ça fait un peu genre ça. Bon, merci en tout cas d'être avec nous jusqu'à 23h, c'est la libre antenne. Dans quelques instants, on va démarrer cette première émission avec. Bah, tiens, on va commencer par le meilleur. J'ai envie de commencer par les infos solides avec Alison pour savoir ce que ça donnait parce qu'ils ont travaillé pendant 2 mois sur ces nouvelles rubriques. Et je peux vous dire que. Ah ouais, Alison est au taquet. J'ai le livre et tout à la main. Donc. Par contre, c'est normal que tu la mettras à chaque fois la petite fleur sur ton. Ah, mais écoute, ça fait classe, moi j'aime bien. Ah, t'en croyais qu'elle est partie à un mariage. Non, hey, tu sais quoi, on dirait les trucs de douche là. Tu vois les trucs de douche là. Ouais, voilà, front de malade. Tu dis remplace le grand toilette en fait, t'as jamais vu ça. Il y a aussi les petites fleurs que tu mets sur les gâteaux pour les anniversaires que tu peux manger là en guillemets. Ah ouais. La même chose. Ah ouais, ou les fleurs que t'as dans cadeaux, dans les paquets de Tampax ou les trucs comme ça, ça peut le faire aussi. Le meilleur pour la fin, comment tout ça pour résumer que c'est très moche quoi. Merci Al, merci. J'ai envie de changer. Alors, je vous promets que cette année ça va être un bordel. Alors, je vous rassure, toute l'équipe va pas être comme ça tous les soirs. Alors, je vais expliquer un peu le fonctionnement. Toute l'équipe va pas être au complet tous les soirs. Ça sera un petit peu un touche pas à mon poste façon Radio X-Floor. Ça veut dire que tous les soirs il va y avoir une équipe différente. C'est-à-dire que le lundi il va y avoir telle personne, le mardi telle personne et mercredi également. Il y a des fois peut-être qu'on sera tous ensemble, je sais pas. Mais on va tourner. Ouais. En tout cas, ce soir je voulais que tout le monde soit là pour vous présenter un petit peu. Enfin, j'adore les tournantes, moi. Alors, faut expliquer qu'il y a déjà des affinités entre l'équipe. Alors, je vous rassure, si vous voyez, parce que j'ai eu beaucoup de messages, on a eu beaucoup de messages tous ensemble, et je vous rassure pour mettre direct les choses au clair, Alison et Geoffrey ne sont pas ensemble. Parce que tout le monde croit que vous êtes ensemble. Du tout. Juste une simple amitié. Alison est bien célibataire, les mecs, donc vous pouvez aller dessus, hein, les gars. On y va mollo quand même, ok. Voilà, donc bienvenue, on tire jusqu'à 23h. Restez avec nous, on se fait les infos solides avec Alison pour démarrer. On se fera les appels, on appellera des pervers tout à l'heure. On se fera les vous Chantal, on fera au Big Sex avec Tonton Magnon. On parlera aussi également des infos de Jojo, le coup de gueule de Jojo. Ça arrivera tout à l'heure. Restez avec nous, en tout cas, vos messages. Il n'y a plus un qui veut parler du coup, là, c'est bien. Du coup, que j'en ai dit. Bah, t'as dit un par un, écoute. Un par un, enfin, ça dépend. Parle pas comme ça, un par un avec Magnon parce que. Ah, mais là, tu gueules dans les. Je vais apprendre tout le monde sauf Jojo. Hein. Lui il va pas commencer à me faire chier lui. Je passe mon tour. Bon allez, reste avec nous jusqu'à 23h, c'est ici ça se passe, c'est la libre antenne. Bienvenue. Bug, ça y est. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. À 200 mètres, tournez à droite. Il faut vraiment que je trouve un garage. Allez sur idgarage.com. Pardon ? Sur idgarage.com, comparez les devis en ligne des garagistes près de chez vous. Lisez les notes et avis laissés par les clients et prenez rendez-vous sur Internet. Oh, très bien, merci. Vous avez oublié de tourner à droite. Oh, pardon. Idgarage.com, changez d'idée sur les garages. Conditions et détails de l'offre sur idgarage.com. Top raison numéro 4 d'être Sam ce soir. Ton compte en banque, tu sauveras. Allô, Monsieur Larto. Thierry Piquetou, votre banquier. Il s'est passé quoi hier soir, Monsieur Larto? Moi, je sais. 240 euros par carte à 2h du matin, 150 euros à 4h et à 6h20, un billet d'avion pour le Bhoutan. Non, mais il y a erreur. Non, l'erreur, c'est de prendre un billet pour les antipodes quand on a une carte contre Piu Piu, Monsieur Larto. Sauf que moi, c'est Sam. Larto, je l'ai ramené de soirée hier, il se réveille, je vous le passe. Mec, c'est pour toi!

cette émission par une première chronique et c'est les infos insolites de Alison. Alors voilà, oui. On rigole pas, on essaie de la motiver parce qu'elle est un peu stressée pour cette première rubrique. Un petit peu, ça va. Ça enlève-toi va, les doigts du cul, ça va aller. On parle pas de Jojo, évidemment, on parle de Alison. Ouais, hein. Voyons. Allez, Alison, des infos insolites, on s'écoute. Alors, je sais pas si vous connaissez le magasin IKEA de Lille, bien évidemment. Bien non, sûr, bah non, nous. Ouais, non, ouais, mais bon, il y a aussi Carrefour à Calais. On est tous à Lille. Parlez pas tous en même temps, vas-y. Il y a Auchan à Sainte-Marie-Kierk aussi. Bon, on connaît. Très bien. En fait, c'est juste un homme qui s'est coincé les testicules dans un tabouret à trous. Intéressant. N'achetez pas ce modèle. Du tout, mais du tout. Mais vraiment pas. En même temps, c'est vrai. Il avait des couilles en forme de noisette parce que il quand même. Ça s'est passé la semaine dernière précisément. Donc, Tu y es passé? Non. Non, non, non, mais j'ai bien vu. T'as vu, c'est. Je suis même. Ah, pourquoi en partant, il les a laissés sur la chaise, le con? Ah, c'est non, tu vas comprendre après. Maintenant, il a les couilles en kit. Hein. Il a les couilles en kit. Comme il. D'accord, ok, complètement. Ah bah vas-y, et pour la suite. Bah en fait, c'est l'histoire d'un Norvégien qui, justement, n'est pas prêt de retourner à ce magasin, hein, bien évidemment. Donc, il y a eu des douleurs au niveau du genou. Donc, pour se soulager, il place un tabouret de marque IKEA sous la douche. Mais bien évidemment, là, c'est le drame, en fait. Ah. Ouais. Alors qu'il veut se relever de son tabouret. Attends, tu m'expliques ce que c'est. C'est le mime de Monsieur Mime dans les Pokémon. Je joue pas à ça, non. Et donc ? Donc, en fait, il veut se relever de son tabouret, sortir de la douche, hein, comme tout le monde. Hein. Mais en fait, il reste bloqué. Ses testicules sont restés bloqués. Mais tu veux le dire, non ? Et emporter le tabouret avec. Non, non, en fait, il a voulu se laver dans la douche avec mais un tabouret. Mais attends, ta rubrique, c'est que par rapport aux testicules ou c'est moi ? Attends, c'est exactement la même chose, non ? Ouais, c'est spécial. Tu couilles ce soir ou quoi ? Je fais quoi du coup, moi ? Raconte l'histoire. Moi, je fais quoi du coup comme rubrique ? Bah, tu parleras des chiottes, mec. Hein. Et oui, donc il s'est coincé où alors du coup ? Bah, en fait, il voulait juste monter sur le tabouret pour prendre son gel douche, bien évidemment. Et, ouais. Et en fait, il est tombé, ce gros coup. Il a coincé ses testicules dans les trous. Et en fait, il a voulu baisser l'eau. Et, dans les trous ? Mais c'est exactement la même chose qu'avec Ikea. Ah ouais, hein, non, mais. Il a voulu appuyer sur la douche, quoi, pour éviter de mettre de l'eau, quoi. Et, ouais. Et en fait, il n'y avait plus d'eau chaude et l'eau, elle était froide et ça lui a rattraci ses testicules, donc. Ses testicules ! Ses testicules ! On n'est pas dans la merde. Oh là, cette belle eau. Et pourtant, j'ai pas vu. Hein, en direct, évidemment. Voilà, donc, merci en tout cas, Alison. Encore une petite dernière info insolite ? Merci de ta réactivité. Action, réaction. Et sinon, il va bien maintenant. C'est bon, je t'ai mis sur la page Facebook. Ah, c'est bon, gros. Ah, on va faire un petit live vidéo là. Vous allez pouvoir avoir un petit peu les coulisses. Rappeler les auditeurs qu'on a perdu à l'instant. Et donc, une petite info insolite, non, pas du tout. Un avion d'urgence qui a dû atterrir à cause des attends, tu bosses pour BFM TV parce que écoute, je pourrais très bien le faire. Non, mais c'est la façon que tu sens ça. Genre, je sais même pas si tu en avais encore une. Tu me dis non, mais c'est un avion d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un avion qui a dû atterrir d'urgence à cause d'épées de chèvre, quoi. Des quoi ? Épées de chèvre. Et pourquoi je me regarde ça, mais genre c'est. Attends, tu peux expliquer là parce qu'il y a un avion qui a atterri à cause des pets de chèvres. Ouais, alors déjà c'est un avion 742, mais un gros avion, tu sais, genre les gros bétales d'avion quoi. Ouais, ça s'appelle un Boeing. C'est un avion quand même, on est d'accord, ok. Toto Mani, il aime bien tout ce qui est gros, lui. J'adore, ouais. Enfin, je joue aussi, hein. Sauf les trucs qui sont soi-disant gros chez Jojo. Il va fermer sa gueule, lui. Tu vas redescendre un étage. Parce que l'avion, je peux te dire que tu vas passer par la fenêtre. T'as l'avion. Et donc. Non, et donc, il a dû atterrir parce que, en fait, l'alarme incendie, elle s'est déclenchée. Donc, mais il n'y avait pas de fumée dans l'avion. Donc. Et en fait, les chefs étaient tellement stressés que, obligatoirement, ils ont tous pété d'un coup. Ah ouais, d'accord. Je vais la sentir longue, cette émission. Merci pour cette info insolite. Je prends la parole. Attends, imaginez qu'elle a mis 2 mois pour bosser sur ça, donc imaginez bien. C'est bon, j'ai tout mis dedans. Et puis je fais ça. Elle a passé autant de temps à faire les vidéos que c'est plus marrant aussi. Bon, reste avec toi en tout cas, on dirait évidemment jusqu'à 23 ans. Qu'est-ce qui se passe, Jojo? Moi, je voulais dire quelque chose, que nous aussi, on a été évacués tout à l'heure du magasin. Il fait rien avec son casque. avec la gueule avec son casque. Avec Al, on a failli être évacué tout à l'heure du magasin aussi parce qu'on a eu un P aussi devant nous. Hein. Non, c'était pas un P, c'était son odeur naturelle à la gonzesse. Ah, tu crois ouais, ça puait. Ouais. Pourquoi elle a pété? Bah, ouais, la femme, elle a pété devant nous. C'était la rose, mais il y a 15 jours, quoi, un truc de malade. Ouais, genre ça. Merde. Ah là là, bon, reste avec nous jusqu'à 23h, c'est la libre antenne. Et bah tiens, on va faire un petit canular là pour démarrer. On se fera le jeu des 5 mots là dans moins de 3 minutes avec Al. La reprise du jeu 5 mots, c'est très simple. Hein. Vous balancez vos mots sur Facebook en attendant qu'il n'y a pas encore le système dédicace. Vous envoyez vos mots même sur la page Facebook Radio Mixfloor ou avec le hashtag Alex Libre Antenne ou hashtag rentrer Radio Mixfloor. Vous balancez vos mots sur Twitter, sur Facebook et on va appeler un hôtel. Et le but est de balancer ces 5 mots en direct. Et bah d'ailleurs, l'équipe, je vous conseille de penser déjà à un premier mot, voilà, que vous allez pouvoir penser. Ah voilà, je me doute bien. Restez avec nous en tout cas jusqu'à 23h. C'est Libre Antenne. Et nous on se fait chai à l'instant, PMW. On est là ensemble jusqu'à 23h. Bon courage, merci d'être avec nous. Et bon courage à tous ceux qui partent travailler. 21h30, on est ensemble jusqu'à 23h. C'est la Libre Antenne. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent l'engranger. K.O.2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchons dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Vois gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Pussy money, weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la de blame pour. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Allez, bonne soirée tout le monde, le son de Chai à l'instant, 21h32 en direct jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, welcome. Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, sur Radio Mixfloor. Everybody. Ensemble jusqu'à 23h pour cette rentrée Radio Mixfloor, on est en live sur Facebook, sur la page Radio Mixfloor d'ailleurs, on fait un petit coucou sur la live vidéo, voilà, n'hésitez pas. Allez, sur la page Facebook, Radio Mixfloor, ils sont comme des gogoles. Allez. Hey, maman, tu me regardes. Allez, on dirait sur la live Facebook, en direct de la page Facebook Radio Mixfloor. On continue évidemment ici avec toute l'équipe qui est au complet. Si vous venez de nous retrouver en direct jusqu'à 23h, ça va être comme ça du lundi au jeudi maintenant. 2 heures ensemble. Hashtag Alex Libre Antenne. C'est une émission de malade qui va se prévoir ce soir. Et bah tiens, on va commencer d'ailleurs par le jeu des 5 mots. On va rejoindre Al maintenant, côté canular, côté hôtel maintenant. Et puis on va demander un peu à l'équipe n'importe quel mot. On va demander aux petits nouveaux. On va demander aux petits nouveaux qu'est-ce qu'ils ont, Al. Ali, stop des barres tout seul, ouais, qu'est-ce qui se passe? On a envie de rigoler aussi, nous. Non, non, mais Ben, il fait sa tafiole, en fait, il me tape sur la main comme un gosse de 2 ans. Déjà, tout à l'heure, il tripotait la main. Donc, je lui demande d'enlever son casque et je fais visquer dans sa gueule. Attends, excuse-moi, quand tout à l'heure, il parle, j'ai dit, putain, pourquoi j'entends pas dans mon casque? Et en fait, il a oublié d'allumer son micro. Ça commence très très bien cette soirée, je pense. Mais bon, donc, excuse-moi, tu disais? Ah non, mais Ben a voulu me frapper en fait la main, comme un gamin de 2 ans en fait, et je lui ai demandé de retirer son casque parce que je voulais lui dire un truc. Ah pourquoi il a pas 2 ans? Et je lui ai mis une tarte dans sa gueule, il l'a pas vu arriver. Ah, bon, bah, ça commence bien. Et il était choqué. Ça commence bien. Bon allez, balancez vos 5 mots, on va commencer d'ailleurs par Alison, honneur aux filles, on va balancer un mot n'importe lequel, dis-moi. Si ça peut être dans... maintenant, ça me rangerait, hein, parce que là dans 3 ans, on a encore... 3 heures après. Bah, appartement. Appartement, merci pour ce mot. Le but du jeu, c'est de me mettre en difficulté quand même, je tiens à le préciser. On va demander à Jojo. Saucisson. Je m'en doutais. Alors, il faut expliquer sur Facebook. Non, on expliquera plus tard. L'affiche du jour. Non. On expliquera plus tard, ouais. On va demander à Jo. Patibulaire. Patibulaire. Et on est parti. En même temps, fais gaffe, je prends le dico et je regarde si ça existe. Hein. Tu peux y aller. Ça veut dire quoi? Oh non, je suis perdu. Hashtag j'achète un dictionnaire. C'est Robert. Hashtag je prends une prime coton rep. Ça veut dire quoi? Jo, il va t'expliquer ce que ça veut dire. Alors, je sais même pas du tout. Hein. Bah, alors que pourquoi vas-tu dire ce mot? Mais je trouvais ça assez difficile. Et t'es sûr que ça existe? Des mots que je comprends pas moi-même. Alors, écoute, on peut aller voir dans Wikipédia. Eh, mais vas-y, j'ai pas que ça qui a foutre. Wikipédia, c'est pas la bonne source. Un mot, tonton Magné? Oui, en fait, on me demande sur le. Non, moi je m'en fous. Un mot pour la. Préliminaire. Préliminaire, voilà. Pas mal. J'en ai un, moi. Donc là, t'en as 5, c'est ça? Non, j'en ai 4. Ah, et le dernier de Jojo. Non, il y en a un. Bah, ah, pardon, toi pour moi. Ça, mais j'en ai un là qu'on vient de m'envoyer. Ah. Le mot pécho. Pécho. Pécho, voilà. Pécho. Faut pas faire de réaction. Oh là, j'ai pécho toutes les choses. Si, live Facebook, qu'est-ce que ça parle là? J'ai quelqu'un qui dit Ben, il mange ses crunchs. J'ai trouvé ça intéressant de. Ah, ce que fait gaffe, parce que on est filmé. Encore une nouvelle affiche. Bon, reste avec nous. Alors, les 5 mots suivants qui sont. Al. Donc les 5 mots, je vais partir sur appartement, saucisson, batibulaire, qui veut rien dire. Patibulaire. Ah, patibulaire, d'accord. Hop. Patibulaire, préliminaire et pécho. Et bah voilà, on appelle un hôtel du côté de Besançon. Et tu vas essayer pour ce premier jeu des 5 mots. Par contre, faites pas de bruit. Hein. Ouais, faites pas de bruit. Allez, coupe les micros derrière. Bienvenue, visite de Besançon, ça vous aide, bonsoir. Bonsoir madame, excusez-moi, vous dérangez, ce serait pour louer pour une nuit s'il vous plaît, un appartement. Et louer pour l'appartement, et une chambre s'il vous plaît. C'est pour louer une chambre, oui. Ouais, c'est possible pour vous, c'est l'hôtel, les pâtés, complet, non complet. Ça dépend, pour quelle date? Ce serait pour demain. Demain soir pour deux jours. Deux jours et deux soirs. Ce soir et deux soirs. Pas six soirs. Demain et pour deux soirs. Vendredi et samedi. Oui, c'est vendredi et samedi. Une chambre pour combien de personnes? Mais j'y suis mais tout seul. S'il vous plaît, moi tout seul. Alors, pour deux soirs, ça ferait 161 euros. Oui, d'accord. Ça, ouais. Ok, j'ai besoin de votre nom, s'il vous plaît. Alors, c'est monsieur Patibulaire. Monsieur Patibulaire. Oui. Et votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc. Ok. Je vais prendre votre numéro de portable. Le numéro du mon téléphone à moi, s'il vous plaît. Oui, de votre téléphone à vous, c'est mieux. Oui, je comprends. Donc, le 07. Oui. 78. Oui. 20, 28. Oui. 13. Oui. 42. Ok. Et votre mail? L'email, c'est pour l'internet. Oui, l'email pour recevoir la confirmation. Ah, le problème, c'est les... J'ai pas pu les pécho les emails. J'ai pas les mails sur mon téléphone. J'y travaille en fait pour les déplacements. pour les, mm-hmm. je vends les saucissons et tout sur les marchés et j'ai le téléphone, il fait pas les mails. C'est problème pour vous? Pas du tout. Je vais prendre un numéro de carte bancaire. Ah, oui, l'ECB. Alors, ah, attendez. Ah, j'ai oublié. Tu peux être... Donne-moi ton portefeuille, s'il vous plaît. T'es pas le portefeuille, madame, elle attend les... Allez. Zobé, allez, vite. Deux petites secondes, hein, s'il vous plaît. Là, ça y est, j'ai le numéro de la carte. Oui, je vous écoute. Les 51-31. Oui. Oui, c'est bien le 5. Alors, attendez, hein. Le 7-5, 75, oui. Vous dites, c'est ça? Oui. 12, 1, 2. Oui. 34-56. Oui. 78. Aïe, 78-90. Et la date d'expiration? Alors, la date d'expiration, 03. Alors, numéro de carte, il n'est pas bon. Je vous demande un instant, j'ai du monde devant moi, quittez pas. D'accord, je vous attends, madame. Welcome to Ibis Fire. Salope. On peut pas parler, nous, si. On attend qu'elle est en attente. Ouais, c'est gaffe. Hein. Et, n'empêche qu'elle assure quand même. Ok. Elle a rien tu compris. Demande-lui, tu peux lui payer directement dès que t'arrives. J'ai encore un mot, là, balancé. Ouais, c'est le mien. Ah, non. Deux. Non, il a déjà dit, tiens. Oh, c'est long, là. Grand mère, si elle répond pas, t'as perdu. J'ai envie de chanter. Ah non, elle a du monde au guichet. Qui c'est qui vient de roter là? Ta bande de pans. Oh, vous êtes dégueulasse. C'est lui derrière. Alors? Mais toi, rentre chez toi. On commence à m'en. Elle a du monde à la rentrée. Elle va pas faire long feu, je te dis. Alors, est-ce qu'on rappelle la note? C'est soit elle a du monde, soit elle m'a grillé en fait. Je pense que t'as grillé. Ah, ça c'est Al, ça. Tu l'as? Yes! On rappelle la note ou pas? Allez. Au suivant! Attends, on va la rappeler, même numéro. Tu dis que ça a coupé. Non, mais fais un autre accent. Voilà, juste. Mais non, elle m'a dit. Si elle répond, c'est une salope, hein. T'as ça en espagnol, comment dire? Je connais même plus mon prénom que je dis. Bah c'est monsieur le nom bizarre là qu'il a donné Joe. Bienvenue chez Tu vends des saucissons maintenant. Ouais, avec la sang un peu bizarre quand même. C'est... Voilà, je dois me les prendre dans le cul. Samedi, je te fais vendre des saucissons. Qu'est-ce que j'ai pris entre temps? Jojo, ça sent ton premier client. Mais qui? Il les rentre pas par la bouche. Hein. Vous ah non, je les croque moi. Ah, tu les croques, d'accord. Ouais, avec ou sans les plures? On va rappeler un autre, non? Ouais, rappelle la note. Allez, on va rappeler notre hôtel. On va peut-être changer d'accent parce que. Ouais, enfin, faut que tu vas un peu plus vite. Vu les événements actuels, c'est un peu chaud. Faut que t'accélères un petit peu le mouvement. Tu fais celui qui a des tics là. Puissance maximale, faut savoir. Encore? Tu fais le personnage avec les tics, ça a bien marché. Ah, ça fait longtemps. Allez. On continue toujours à Besançon. Vu que c'est pas ma mère. Ah, si ça répond. Ah, mes tartines sont prêtes. Quand t'es tout content, il balance des nouveaux sons. Ça répond jamais ou... On va appeler un autre. Hop. Putain, il a que ça à foutre. Bon, on va appeler un autre hôtel. Ça répond pas. Et... Attends, ce jeudi soir, ils sont. Pas mal. Ça sent le cochon, le jeudi. Bon, reste avec nous, en tout cas, c'est le jeu des 5 mots évidemment, jusqu'à 23h. Non, pas jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, c'est la libre antenne évidemment, et là c'est le jeu des 5 mots, c'est le premier de la rentrée, j'espère qu'il va se faire. Bonsoir, excusez-moi, vous déranger. Ce serait pour prendre l'appartement, les poils chez vous, la chambre, s'il vous plaît. Je suis désolé, c'est pas le bon numéro là. C'est pas l'hôtel. Vous voulez l'appartement? Non, excusez-moi, madame, le français, moi, c'est pas très pratique. Je voudrais le room, les chambres, s'il vous plaît, si c'est possible. Juste un instant, s'il vous plaît. Si on partait, pour vos loisirs, découvrez notre... En même temps, c'est de ma faute, j'ai repris. Elle a le même accent que toi, bon. Ouais. Elle a le même accent que toi. Ah bon? Ouais. Écoute bien. Ou alors, fais ta gueule. T'as pas de chance dans les hôtels ce soir. Imagine, les hôtels, ils te mettent une musique d'attente, mais ils t'entendent en fait derrière. Non, je comprends pas, non. Hein non. Dire merde, il y a Al-Qaïda qui m'appelle. Moi, au je pense que c'est mort aussi pour celui-là. Hein. Ouais, vas-y, il faut que je change allez, de. Allez, dernier hôtel, après je peux pas plus. Ouais, vas-y. J'en ai plus besoin, vas-y. Allez, dernier hôtel. Je sais plus comment je fais le. Allez, c'est parti. Le Twister Citadel, Christy, bonsoir. Bon, bonsoir, madame, excusez-moi, vous déranger, c'est pour louer une chambre, s'il vous plaît. Oui, pourquoi, monsieur le, alors, c'est pour demain soir jusqu'à dimanche. Bah ouais, c'est ça. Oui, d'accord, mais très bien. Vous souhaitez une chambre standard ou de luxe? Vous avez pas les ah je suis désolé hein, j'ai un petit défaut des locutions donc c'est pas évident pour moi hein. je vous le dis tout de suite vous avez la chambre de luxe c'est le grande chambre un petit peu appartement ou elle est plus grande que la chambre standard monsieur. Bah ça m'avance pas trop, c'est pas un appartement, c'est une chambre spacieuse. C'est assez grand. Oui, tout à fait. Ah bon bah écoutez la comme le McDo de la de la deluxe. excusez-moi. Je suis désolé. Ok, c'est une blague monsieur. Donc je vous invite à rappeler à notre hôtel parce que j'ai autre chose à faire. Merci. Monsieur, c'est de la. Ah merde! Ah merde! Oh merde, c'est con! Bon, bah, putain! Ouais. C'était trop! Ah non, mais il part trop, c'est surtout le rire, je pense. Non, c'est surtout l'accent, il est. Ouais. Ouais, quoi, l'accent? Ouais, l'accent, il est dégueulasse. Hein. C'est un accent pire. Excuse-moi, j'ai passé mon été là dans les pays chauds! Ouais, bah. Bout d'un moment! Bon, reste avec nous en tout cas jusqu'à 23h. Oh merde, non, je vais pas foirer ma première rubrique de l'année, quoi! Ah bah écoute, tu te rattraperas lundi. Et d'ailleurs, le meilleur statut Facebook de la semaine est décerné à quelqu'un de l'équipe. Ouais, ben c'est bien. C'est moi qui a fait classement. Et c'est Ben qui gagne le meilleur statut Facebook de la semaine. Il a rien foutu, lui. Ah, comme par hasard. On peut l'applaudir bien fort. Bah pourquoi le meilleur statut? Bah parce qu'il a marqué tout à l'heure une fille qui aime les motos, qui a une moto, qui fait du bricolage dans sa moto. C'est une fille parfaite. Et bah c'est le meilleur statut. Moi je pensais que c'était un autre statut. Il a oublié de préciser derrière sa phrase hashtag la ZUP. Il a oublié de dire aussi sur son Facebook par rapport à sa veste aussi. Parce que sa veste. On l'entend pas quand on l'entend. Veste, ouais. Une veste comme ça avec une moto, ça passe bien. Quand elle a mis jamais son micro. C'est pas grave. Ah là là, ah Ben le stagiaire. Voilà, Ben, c'est plus Ben le stagiaire, c'est Ben maintenant. Ouais, mais je pensais que t'allais dire un autre statut, moi. Ah non, c'est celui-là parce que ça m'a beaucoup fait rire. Ils se sont gênés d'un coup. Pourquoi le jour où t'as il parlé il t'a fait rire ce statut-là? T'as pas vu là tout à l'heure? Pourquoi lequel? Ben qu'il faut lécher le bout. Oh oui, mais oui, je l'ai vu aussi celui-là. Il y a pas un statut où il parlait de Burkini, non? Bon, là, du Burkini. Je pensais qu'il parlait du Burkini Faso. C'est un sujet très gênant. Non, s'il vous plaît, pas de politique dans cette émission. Je crois qu'il parlait du Burkini Faso. Merci tout en manier. Bon, reste avec nous jusqu'à 23h, c'est la Livre Antenne version en tout cas. Ça fait vachement plaisir pour cette rentrée. Hashtag rentrée Radio Mix Floor. Il y a plein de bonnes choses, je sais pas, parce qu'on est déjà très à la bourre. Il est 21h45, on est très à la bourre. Il nous reste 1h15, on a plein de rubriques à vous faire. On va devoir speeder un petit peu. Il y a le à vous, Chantal aussi qui arrive dans quelques instants. On parlera également du phénomène de l'été, on parlera du Pokémon Go. Qui a été un phénomène de l'été, je pense qu'il y a eu des joueurs ici de Pokémon. Oui. Non, du lâcher. C'est de la merde, moi je suis pas fan. Qui a joué? Moi. Non mais levez pas le bras, ils sont cons, c'est de radio. Mais c'est pour savoir qui c'est qui parle. Ah bah il y a Fred, donc il y a Jojo. Il y a Jojo, il y a Jo. Il y a Ben le stagiaire qui a joué. Ben le stagiaire, franchement, il était tout. On a passé pas mal de soirées ensemble. On voyait ses statuts Facebook à 1h du matin. Si vous parlez en même temps, on va jamais vous entendre les gars. De quoi, dis-le quoi? Je disais Ben le stagiaire, enfin Ben tout court, évidemment. Ça sera Ben tout court cette année. Ce sera. Non, mais faut le dire. Enfin, ça suit bien que tu l'as dans le slip, c'est bien. Allez, donc tu disais, excuse-moi, allez. Ouais, il arrive plus. Bon, bref, c'est parti. Non, c'est bon. Allez. Je disais Ben le stagiaire, à chaque fois qu'il chassait les Pokémon, il mettait un statut Facebook à 1h du mat. Merci Quentin pour cette interview. Je t'en prie. Reste avec nous jusqu'à 23h, c'est la Livre Antenne, ça se passe comme ça. On sort juste après le son de Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada. C'est pas Jojo, c'est le diable qui s'habille plus en Prada. Reste mais avec pourquoi, nous. Mais pourquoi moi quoi? Reste avec nous jusqu'à 23h, c'est la Livre Antenne. Welcome. Le son de Dance Floor.

Allez, bonne soirée tout le monde. Le son de Soprano à l'instant, le diable ne s'habillait plus en Prada, en direct jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous. Bonne soirée, bon jeudi soir. On est là ensemble, c'est la rentrée Radio Mixfloor. On est là tous ensemble, au complet, pour vous faire passer une très bonne soirée. On est là, ensemble, on bouge pas. Bienvenue tout le monde. Jusqu'à 23h, Alex Librantaine sur Radio Mixfloor. Ensemble jusqu'à 23h, merci de passer la soirée avec nous. On a toujours Al qui est avec nous en direct. Yes. On a toujours Ben qui est avec nous. Oui. Ça va toujours Ben? Bah ça va et toi? Bah écoute, très très bien. Il y a Joe qui est avec nous. Salut, salut. Allô, c'est quoi qui nous fait là? Il y a Alison qui est avec nous également. Hello. Il y a Jojo qui est avec nous. Oui, moi c'est moi. Il y a du monde, hein. Et puis Tonton Manier évidemment. Et puis Quentin est parti pisser, il revient là, complètement. Bon, reste avec nous en tout ouais, cas. Allez, la chiasse. On sera les appels de Charlotte, hein, c'est toute une nouvelle rubrique. Là. On appellera des pervers dans moins de 20 minutes. Là. Restez avec nous. Et puis tout de suite, on va se passer à la rubrique de Jojo maintenant. Les coups de gueule de Jojo. Ah oui, moi j'ai un gros coup de gueule là. Ah, tu nous parlais de mais toi. Mais alors, un gros coup de gueule phénoménal sur TPMP. Ouais. Oh là là. Sur l'ouverture de TPMP. Oh là, mais arrête. Il y a eu Black M et tout, c'est bon. Et ils ont recruté Koé et tout là. Non, non, mais franchement, j'aimais bien TPMP l'année dernière. Ouais. Alors cette année, ils m'ont saoulé déjà dès le début. Ah ouais. Dès le début, alors, et une en particulier. Hein. Alors là, c'est Enora Malagré. Désolé, hein. Je l'aimais bien, mais alors là, je ne peux plus la supporter celle-là. On l'appelle la coste du PAF. Non, bah, c'est la conne du PAF surtout. Hein, parce que... pourtant, Jojo, elle a les mêmes dents que toi. Ça va pas, non. Alors lui, non, mais je suis vraiment déçu. Alors, déjà, l'ouverture, déjà, ça a été une catastrophe. Ils ont mis de la fumée dans les locaux comme nous, en fait. L'autre, il est content derrière, il rigole, il se tripote, il est content, il a sorti sa connerie. Moi, je trouve que c'est moins familial qu'avant. Ouais, c'est moins. Et le plateau, il est beau, mais on entend beaucoup trop le public. Déjà, qui rigole, il y a machin. Mais sinon, je suis dégoûté. T'es d'accord avec moi? Parce qu'on en a discuté. On en a discuté sur les réseaux sociaux tous les deux. La Malagré, faut qu'elle arrête, c'est un vrai pitbull, quoi. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Touche pas mon poste, ils ont eu un budget beaucoup plus important cette année. D'où le fait que ça soit proportionné avec Black M, etc. qui viennent, faut comprendre. Ouais, par contre, il faut que tu parles plus près de ton micro. Pardon. Alors, le son il passe très bien, excusez-nous, ça a saturé, mais là c'est bon. Notre technicien réalisateur Quentin vient de régler le problème. On nous dit que Tonton Manier parle pas assez près du micro. Pardon, le stagiaire également. Donc Ben, il faut que tu parles plus près de ton micro. Dans le micro. Parce que les gens ont envie de t'entendre ta voix, tu vois. Ben, merci Al qui lui met le micro en face. Avec sa moustache, on entend pas. Allez, c'est bon. Et donc, du coup, pour revenir à ce coup de gueule. Et ben donc, du coup, j'en ai ras-le-bol d'Elora Malagré. Je veux qu'elle dégage. Bah, zap. Hashtag. j'ai zappé. Hein. Je préfère que j'ai zappé. Hein. On va voir les anges contre les chiens. Ça, on en reviendra lundi. Ça, je viens lundi. Jojo, info dernière minute. Il y a Quentin qui essaye de réagir sur ta rubrique, mais qui oublie d'allumer son micro. Mais putain, il a du mal. Il a du mal avec son micro, lui. J'entends le gars parler, tu vois. Il a un comme ça. Mais pourquoi je t'entends derrière mais pas dans le casque à la nuit? Nous aussi on l'entend. Ton micro. Quentin, on t'entend pas quand tu voulais dire quelque chose? C'est bon? Ouais. Ah ouais, c'est bon. Ouais, mais on veut dire, qu'est-ce que tu voulais réagir par rapport à Jojo? Non, pas. Oui, bah alors ferme ta gueule alors. Oh, non, je t'aime. Oh, moi aussi je t'aime. Et non, mais par contre, j'ai aussi un coup de gueule mais un coup de cœur, c'est que ça reste quand même ma petite Isabelle. Isabelle, je l'adore. Hier, elle avait pas ses boucles d'oreilles, elle était nue sans ses boucles d'oreilles, mais je l'adore. C'est normal, t'as le même âge. Un peu gogole, hein. Hein, elle est un peu gogole quand même. Non, elle est pas gogole. Elle est intelligente, mais pas de faire le gogole. Je vais te dire, parce qu'il y en a un ici, là, il fait le malin. Derrière toi. Crois-moi, derrière moi, Tonton Manier. Viens derrière toi. On va régler nos problèmes après. Isabelle Morini. Non, mais sinon. Elle était en sec pas avec Jojo. Collège Vauban. Allié-moi. En cours de technologie. Allié-moi. La burne. Non, mais j'espère qu'ils vont quand même. Bon, je peux faire ma rubrique quand même un peu. Quand toi, tu vas faire ta rubrique de cul, je vais te voir. Bon, j'espère quand même qu'ils vont réagir un petit peu parce qu'il y a plusieurs petits problèmes techniques parce que on entend le public qui rigole derrière beaucoup trop par rapport à avant. Mm-hmm. Je sais pas si ceux qui ont regardé parce que ouais, mais après faut dire que c'est juste le début en fait. Ils ont comme Alexis disait, ils ont beaucoup plus de moyens. Et voilà, ils essayent d'en profiter, mais là c'est encore en test en fait, c'est les émissions du début, c'est encore en test. Ils ont qu'à tester ça, c'est l'été. Hein. T'as encore plein de chroniqueurs qui vont plus être là d'ici 15 jours, 3 semaines. J'espère que Koé et compagnie vont dégager. Hein. Par contre, la nouvelle émission de Camille Combal juste après, c'est de la merde avant. Non, juste avant, non, moi j'aime bien. Moi j'ai pas regardé. Moi j'aime bien. Je m'en fous. Écoute, Jojo, t'es pas content, t'envoies un CV à C8 et puis tu te proposes en tant que réalisateur. Tu fais pas chier. Bon, restez avec nous en tout cas jusqu'à 23h, c'est la libre antenne. En tout cas, on est là ensemble. On bouge pas, 21h57. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jojo se lève? Ah, il va frapper Tonton Magnan. Il va le tarter. On est live sur Facebook. Live Periscope. D'accord, restez avec nous en tout cas. Et une petite question là, quel a été votre tube de l'été? D'ailleurs, c'est une petite question. Quel a été votre tube d'été? On va commencer par Al. Al, quel est ton tube de l'été? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'a fait danser tout l'été? Qu'est-ce qui m'a fait danser? Merci tout l'été? Merci Al. Ben, Bah, Alex, le son de l'été. Non, mais... Quel suceur! J'y crois pas, mais quel suceur! C'est vrai que j'avoue, t'es suceur là. Bon, Jojo, c'était quoi ton tube de l'été? C'est Jojo, le tube de l'été, moi j'en ai rien à foutre. Toi, t'arrêtes. Tonton Magnier, c'était comment ton tube d'été? Mon son d'été? Ouais. Bah écoutez, mon son d'été, c'était quoi? On en a rien à foutre. Magic System. Magic System, le dernier son qu'ils ont fait là, je me rappelle. Parle dans le micro, parle pas à côté. Toi, t'as l'habitude d'avoir Magic un long System truc en face de ta bouche. En même temps, ils sont là que tous les étés. Magic System, ils ont sorti un son Magic System qu'on a été voir ensemble la France contre l'Islande, rappelle-toi, à Lille. Voilà toi. Non, tu parles du collectif métissé. Oh oui, collectif métissé, pardon. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Qu'est-ce qu'il est. J'essaie d'être calé, mais je me dis, putain, j'ai pas vu de Magic System. Collectif métissé, qu'on a été ensemble. Oh, et ouais. Voilà, exactement. C'était ton tube de l'été. Ah, ça sent. C'est pas con, celle-là, elles sont un petit peu le plagiat sur celle qu'Alex a faite il y a pas très longtemps. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de ressemblances. Pourtant, ma musique l'enregistrait bien avant que. Il a été numéro 2 sur iTunes avec Alison. Pas sur iTunes, AliExpress. Alison, c'est quoi toi? C'est pas iTunes. Moi, c'est Dimitri Vegas. Arcade. Ouais, c'est ça, Arcade. Elle est bien. Ah, bah ouais. Ah, Ben, il aime bien. Donc, si Ben, il aime bien. Jo. Moi, c'est. Il veut la pécho. Et la Ben qui dit, ça veut dire quoi, pécho? T'inquiète pas que ça, il sait. T'inquiète pas. Allez Jo. Moi j'ai bien aimé le son de Môme. D'accord, le mec il gâche tout. Aloha. Môme, c'est Edith Piaf ça? Non, c'est Aloha. Le ah, ciel ouais. Bleu. Ah, mais voilà, ouais, il est pas mal, ouais. Là, c'est que c'est un bon son d'Enzo. La bobe. Bon, reste avec toi, Quentin, on t'a demandé c'était quoi ton tube. C'était Arcade. Ouais, c'est Arcade, et puis genre le 22ème, c'était Sound of Legend. T'as, y'a que moi qui a bien aimé Bailar. Baila. Arrête de chanter, s'il te plaît. Bof. Y'a que toi. Vous avez pas aimé cette musique là, c'est vrai? Vous avez pas. Attends, je l'ai en. Là, vous avez pas aimé celle-là? Ah ouais, attends, si je coupe tout. Vous avez pas aimé celle-là? Non. Ah oui! T'as la tête. Ouais, mais comme ça, dit comme ça, oui. Ouais, mais c'est une reprise, c'est du son qui était déjà connu avant. Bah oui, on s'en fout tant que. Pas une reprise, on s'en fout tant que ça. Ah ça ouais, se passe. Dans le son d'Alex. Mais je vous emmerde, ma musique est très bien. D'accord, merci. Bon, restez avec nous en tout cas jusqu'à 23h. Il y a le Boukistan qui m'a demandé de le booker là-bas pour Noël 2020. C'est qui le Boukistan? La. Président, il s'appelle Jojo. C'est Tonton Manier. Oh non, mais. Jojo, est-ce qu'il paraît, il y a le Boukistan quand il voit Jo? C'est sûr que c'est pas en voyant Tonton Manier qu'il va se tendre le coup. Heureusement, parce que tu prendras un pied bouche direct. Toi. Et il y a le bout qui tombe quand tu vois Alison, c'est ça? Pied bouche latéral, comment? Il y a le bout qui tombe quand tu vois Alison, c'est ça? Oui, bon. Qu'est-ce que t'en penses, Tonton Manier, spécialiste du sexe de notre nouvelle recrue Alison? Bah, il voulait rentrer dedans tout à l'heure. Et t'as vu que quand direct tu regardes Manier, direct il regarde son cul. Yo, ouais. En même temps, on voit que son arrêt. Hein. Il dit ouais, il faudrait peut-être changer la chaise, je vois pas la forme. Écoutez, moi je ne parlerai uniquement de sexe dans cette radio quand j'aurai ma rubrique. Exactement. Joker. Excuse-moi. Bon, on en parlera dans moins de 5 minutes d'ailleurs, dans ta rubrique, mais avant ça, on va faire la fameuse minute gaming avec notre ami Ben. Alors je vous cache pas que ça va être le truc un peu chiant. Oh là, il y a plein de sorties. Alors il va nous sortir maintenant un petit peu de jeux vidéo, un petit peu d'actu jeux vidéo. Et Ben est très calé parce que tout l'été, il a été geeké. Il est même arrivé à la rentrée de Radio Mix Floor, il avait pas dormi. Ah bah si vous avez croisé Ben au niveau de la plage de Calais, au niveau de la Croix, c'est qu'il jouait au Pokémon. Ouais. Alors toi, il y avait un Draco qui était là, c'est souvent. Un Draco feu. Casser les couilles. Bon, il a loupé un Ponyta juste à l'entrée de la mer là, il était deg. Stop. Alors notre ami Ben, qu'est-ce qu'il y a comme sortie jeu vidéo cette semaine? Oh, de l'actu, hein, c'est pas que ouais, c'est gaming, c'est un peu d'actu aussi. Attends, il réfléchit à ce que tu veux dire. Et dans sa qu'est-ce que ça veut dire actu? Je comprends plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire actu? Bon, on t'écoute alors. Alors que des rumeurs tournaient un peu partout sur le net. Merci Ben. Eh, hey, mais je l'ai préparé la rubrique. C'est ça. Vous imaginez que ça fait trop BFM, ça fait. Et pendant ce temps-là, les rumeurs courent que. Père Castor raconte une histoire, Père Castor. Père Castor. On va l'appeler Rue Tête Fille. Une histoire. On peut pas lui reprocher qu'il ait écrit ses rubriques. Ça, t'es pas obligé de lire mot par mot, quoi. Excuse-moi, t'écris pas des scénarios pour les vidéos de Alison et Geoffrey. C'est une bonne recrue. Oh, si, ça m'arrive. Il travaille sur François pour les télénovelas. Vous êtes dégueulasse avec. Ah ouais, on est méchants. Ah, on t'écoute, allez, Ben. Bah, la démo qui fait 17, elle sort le 13 septembre. Oh c'est ah, gueule pas, qui c'est qui a gueulé? C'est lui, bah c'est. Bah... gueule pas, c'est censuré. Ah, bah, excusez-moi si ça a fait mal aux oreilles. Attends, attends, excusez-moi. C'est parce que moi j'ai sa rubrique devant les yeux. Et là tu lui as fait la reproche, donc la phrase elle fait 3 km. Ah, excuse-moi, non mais attends. Et là du coup tu lui as fait, ouais, mais ça fait trop écrit. Et bim, le mec il arrive directement à la fin. La démo de FIFA 17. Non, mais c'est parce que c'est la façon que t'es arrivé comme ça, t'as dit. Eh, pense à la. Non, mais on t'écoute, vas-y, Ben. L'info gimmick de Ben, on t'écoute. Alors qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Bah, il y a la démo de FIFA 17 qui va sortir le 13 septembre. Ouais. Et le jeu lui-même sortira le 27 septembre. Ouais, sur d'accord. Console, précisément. La démo, console. C'est quoi? Parce que je suis pas trop, moi, en fait. Non, la démo, c'est PC que aussi. Quoi, en fait, sur la PlayStation, etc. Tu peux jouer pendant une demi-heure, un truc comme ça, c'est ça? Non, c'est, tu peux jouer tout le temps, mais t'auras quelques équipes. Ah, d'accord, ok, ouais. Par contre, j'ai une réclamation à faire par rapport à sa rubrique. Ouais, s'il pourquoi, vous plaît. Pourquoi parce qu'on parle de FIFA, FIFA qui injecte des millions dans le monde du jeu vidéo. Ouais. Avant la sortie de la démo de FIFA 17, il y a la démo de PES 2017. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, voilà, on s'en branle. Ah, parle dans ton micro. Et c'est bien beau de parler de FIFA, mais FIFA, la démo sort que d'ici quelques jours. La démo de PES est déjà disponible depuis quelques jours. Mais je l'ai testé depuis la merde. En même temps, attends, grand. Alors en même temps, moi qui ai pas de jeu de foot du tout, ça va sortir quand PES. En même temps, le leader, ça reste FIFA 17 quand même. Moi, je suis un FIFA 64, je suis sur IS. Alors quoi que, je suis plus FIFA, mais quoi que PES, c'est vrai qu'ils ont bien assuré cette année en ayant le contrat pour l'Euro. Exactement. Et c'est vrai qu'il y avait c'est merci, que PES merci. Qui avait le contrat avec l'Euro et c'est c'était pas mal qu'ils avaient la musique. C'était l'année dernière. Et c'était non, PES cette année avec la musique de David Guetta et tout, c'était pas mal. Je te rappelle que FIFA n'a pas la licence de la Champions League. C'est très important, ça va. Ouais, enfin bref, faut qu'il y ait davantage. Mais du coup, PES sort avant FIFA. Bien entendu, PES sort le 15 septembre. Ok. Normal, ça pue la merde. Merci pour cette info. Non, mais pas de soucis, Quentin. Ben, t'es là pour vendre les jeux vidéo, t'es pas là pour descendre. Ils ont pu la merde. Tu voulais réagir par rapport ouais, à moi, ça je fais juste avant qu'ils passent à leurs autres trucs. Là, moi, je suis à Candy Crush et je suis bloqué, donc s'ils ne peuvent m'envoyer. Contactez Jojo. La suite, Ben. Après quelques reports, la compilation de jeux Batman, Arkham, Asylum et Arkham City, ainsi que l'intégralité des DLC, revient sur le devant de la scène avec un trailer comparatif permettant de voir les différences entre les versions PS3 et PS4. T'as tu fais les bandes annonces en fait. On dirait trop, tu lis les bandes annonces, je te jure que c'est vrai. Fais plus simple le texte, ils sont bien, mais fais plus simple. Non, j'aime bien quand c'est professionnel. Ah, mais c'est professionnel, mais là c'est trop. C'est pro. T'as fait ça sur un copier-coller de. En fait, il a été sur le site de micromania.fr. Les bandes annonces du jeu. Non, mais c'est bien, donc ouais, d'accord, c'est le nouveau jeu. Et après Batman Return to Arkham. Je sais pas parler anglais. Batman Return. Ça veut dire retourner attends, en français. Ouais, bah Batman sortira donc le 20 octobre 2016. Se fout de ta gueule, mais Royal. L'équipe. Mani, n'en peut plus là. Hashtag j'ai envie de vendre mon jeu vidéo. Eh, hey, c'est toi. Eh, hey, mets la cape, hein. Par contre, mets la cape sur toi parce que là. Ta gueule. Oh, ça clash. Il y aura un petit clash en fin de soirée. Oui, on va clasher tout le monde ici. Je vais clasher tout le monde ici, y'a pas de soucis. On le sait, ça. Et donc, le petit dernier jeu vidéo. Ah, il faut que je l'aide là parce que. Là, il va parler de Pokémon là, attention. Ah, il va parler de Pokémon. Non, mais attends, parce que. Ouais, là, vous avez tous trop. Suivi la grosse folie Pokémon là cet été, ça a été un petit peu la folie partout. Bien sûr. Ah bah, on a entendu joué, hein. Plein de nouvelles mises à jour qui allaient sortir, les échanges de Pokémon et tout ça. Mais bon, pour l'instant, ça reste que des on-dit, hein, y a rien de concret. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la version bracelet qui va sortir. Donc Pokémon attends, t'es en train de faire ma rubrique là. Bah exactement, tu me donnes un peu. tu vois la différence entre faire. Moi je lis pas Pokémon Go Plus ce bracelet censé permettre aux joueurs de pouvoir. Ah, et puis clip pas sa rubrique, il va faire la gueule après. Non, non mais tu vois, je te ah, donc raconte la suite Ben. Donc par rapport à ce Pokémon Go. C'est un bracelet qui servira à chasser les Pokémon et une vibration sera émise sur le bracelet. Ça s'appelle un go. Ah mais ça va coûter combien cette merde parce que c'est comme les. C'est comme... Ah c'est... non, non, si. Parce que si c'est que, si c'est que 115 euros comme les nouveaux écouteurs des iPhones. Non, ça va être au-dessus de 115 euros, ouais. Hein, ça va coûter une blinde quand même. Ah ouais. Ce qu'il faut préciser, c'est que Pokémon a déjà perdu la moitié de ses joueurs. Hein, ouais, c'est vrai. Bon, ouais, c'est fait énorme. Ah, mais en même temps, tu peux même plus tricher et tout. Ben, je suis sûr que quand le bracelet va sortir, il va revendre son scooter pour l'acheter lui. Connaissant lui. C'est nul, tu peux plus avoir les Pokémon de chez toi. J'avais eu 100 Pokémon de chez moi, je peux plus maintenant. Mais tu t'imagines, t'as le bracelet, il est en train de vibrer, t'es en train de te branler en même temps. Oh non, c'est dégueulasse. Toi, tais-toi déjà. On peut, il est plus de 22h. Ouais, et donc, donc ce bracelet il sera auquel prix, tu sais pas le prix, je ne sais pas. Mais non, sais pour l'instant, le prix il est. Et il quelle sortie il sort quand le 16 septembre. Ah ouais, bientôt. Ouais. Bah, okay, c'est la semaine prochaine. Et bon, on suivra ça. Ouais, dans, on a une grande tête et ça va savoir le prix d'ailleurs. Ouais, il sort en France ou aux States Il sort partout, je pense. Il sort partout. Ok. T'aimeras bien l'avoir. T'aimerais bien l'avoir? Bah non, j'y joue plus. Ah, tu joues plus à Pokémon? Oh, bah regarde, tu vois, ils ont tous perdu. Non, franchement, c'est nul. Ouais, c'est pas tes. Nous, on l'avait mis, on l'avait mis aussi, c'est nul. Non, c'était bien quand tu pouvais tricher en fait. Quand tu pouvais aller. Voilà, c'était bien quand moi, je suis allé jouer aux États-Unis alors que j'étais dans mon canapé, tu vois, c'était cool. Et Jojo, lui, il joue à Keket Go, lui, Jojo. Il a encore rien chopé. Il a en toutes fait. Les caquettes à proximité avec son radar, il est bien le gars. Et il est encore niveau 1, il a rien chopé encore. Gros enculé. Bah. Pour l'instant, il a chopé qu'un crouté. Bah, c'était toi. C'était toi, t'étais juste à côté. Si, si, si, il a eu un bonus de morpion aussi. Parce que. Je vous emmerde. Voilà, restez avec nous jusqu'à 23h, c'est la libre antenne, merci en tout cas. Bah tiens, dans moins de 15 minutes, on se fera. Enfin, dans moins de 5 minutes, on se fera la rubrique sexe de ton manier. Oh non, il y aura également Vie de merde avec Jo, on aura Info Atox avec notre ami Quentin, avec vous Chantal, et puis on appellera des pervers tout à l'heure. Restez avec nous, merci en tout cas, Ben, pour cette rubrique. En tout cas, mais encore c'est à travailler quand même. Mais non, mais c'est bien, mais c'est vrai que ça fait trop bande annonce. Mais je l'ai bien travaillé, c'est pour ça. Ah, ouais, mais faut pas dire ce que tu dis. Déjà, Ben, ça m'a impressionné qu'il travaille trop sur les émissions. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il se barre ici? Ah, ils sont déjà barrés. C'est l'heure de la pause. Jojo, il a envie de faire pipi, désolé. Ah, non, rien. Il est parti les branler. Bon, reste avec nous en tout cas jusqu'à 23h. C'est la libre antenne, ça se passe comme ça. On est là ensemble, on bouge pas. Bon courage en tout cas à tous ceux qui partent travailler. Merci à vous. Et puis nous, on est ensemble jusqu'à 23h. C'est... Et là, tu coupes mon micro, lui. Oh là. After years of joy, life is a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Soirée tout le monde, le son de Parakeet à l'instant, Save Me, 22h12 en direct jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, Alex Librantenne, sur Adelis Flore. On est là ensemble jusqu'à 23h, on lâche rien, merci en tout cas de passer la soirée avec nous. Merci en tout cas à notre Kev aussi qui a animé tout à l'heure le Before Dance Floor, très belle émission. On le retrouve évidemment dès lundi, 20h-21h. Mais là on est ensemble avec toute l'équipe, on est en direct, on enchaîne. Alors on a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de nouvelles rubriques évidemment. Alors pour essayer de tout passer avant 23h, enfin on finira peut-être un peu, on va déborder un petit peu. Mais voilà, mais en tout cas en direct évidemment, on va se faire la fameuse rubrique parce que maintenant il est plus 22h, on peut parler un petit peu de X. On va parler de... La rubrique sexe. Ça part en couille, ça y est. On va parler de la rubrique sexe de Tonton Magnier. Alors qu'est-ce que c'est la rubrique sexe de Tonton Magnier? Enlève le top. Déjà dans un premier temps, moi je viens d'arriver dans l'émission. Moi je veux que pour ma rubrique, on fasse une chanson. Je sais pas si c'est possible. Ah ben complètement, oui. Quelle chanson? Attends, faut expliquer aux auditeurs parce que j'ai eu des messages. Pourquoi Tonton Magnier? Alors c'est très simple, c'est aussi simple que ça. C'est parce qu'il s'appelle exactement Alexis comme moi. Et je m'appelle Alexis, tout le monde m'appelle Alex. Alors du coup, pour pas qu'ils s'appellent trop Alex tous les deux, ben, on l'appelle Tonton Magnier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, excuse-moi, tu voulais dire? Oui, donc je voulais dire à tout le monde que moi, je veux qu'on m'accueille avec une chanson. Ouais. C'est pas prétentieux, loin non, de là. Non, non, non. Un peu quand même. Tout serait tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le dur, le mou, en caoutchouc, le gros doudou. Il est connu en rayon, Zizi, en plus, Jojo. Et donc, qu'est-ce que c'est, cette musique? Bah, écoutez, je la connais. Je sais que certaines personnes ici la connaissent. Ouais, déjà. Je la connais. Hein. Donc, on la connaît, c'est bon. On va la faire connaître à tout le monde. Ah, ben, Quentin, il la connaît aussi, ça. Évidemment. La musique de Thomas Charron. C'est une reprise de Toutou YouTube. Ça a été créé quand on est parti à Brétignolles. Ouais, voilà. C'est la reprise de Toutou YouTube. C'est et du coup, on a remplacé cette musique par Tonton Magnier. Tonton Magnier, Tonton Magnier. Alors c'est ça, c'est un gros ton, c'est sûr. Et donc tu veux de cette musique à chaque fois, c'est ça? Oui, tout à fait. Comme il lance des regards que je joue. Non, mais je laisse pour l'instant, je laisse tranquille. Ça sent le clash, moi je dis. Y a pas de souci. Et bah dès que tu veux, on lance la musique alors. Vous suivez, hein? Ah, on suit. On va essayer. 1, 2, 3, 4. Tonton Magnier, c'est qui? Tonton Magnier, c'est lui. Tonton Magnier. Je trouve que ça fait vivement dimanche en fait. Mais après, c'est bon. Mais c'est pas mal. On dit que c'est moi le vieux de l'histoire. Bon, allez, merci. Alors, tu vas commencer par avant de balancer la pub, on va parler un petit Alexis, peu de sexe. Veux-tu que l'invité. Pourquoi tu l'appelles Alexis? Bah, il s'appelle Alexis. Non, c'est Tonton Magnier. Je me sors tourner du coup. C'est pas grave, j'accepte les erreurs en début. Ouais, excuse-moi. Les erreurs de débutant. Est-ce que tu veux que l'invité passe le rideau? Le rideau? Qui est non, parce que ton jingle en fait ça fait pourri. Et... Ouais, non, on dirait ouais, les vieilles émissions de TF1 là, dans les années 90. Après, il faut demander. Après, non, mais non, après non, il faut que je vois directement avec le directeur de la radio s'il y a possibilité de me faire un jingle. Alors, si, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. Nous, on en a trouvé un. Écoutez, nous, on en a trouvé un rapide. Ça comme ça. Avec Al. Tout serait tout sur le zizi. Bah ça, c'est ton jingle. On va faire ça, son jingle, ça va être ça. Ouais, ok, bon, bonne soirée. Bon, alors, juste avant de balancer la pitch, tu vas nous parler quoi là dans quelques minutes dans l'info sexe? Écoutez, je vais vous faire un petit questionnaire, bien entendu, sur le sexe. Ouais. Donc, j'ai 4 petites questions. Et bah, et ça va parler un petit peu de quoi là, juste avant de balancer? Ça va parler un peu de tout, mais si je vous dis de quoi ça va parler, ça donne les réponses des questions, ça serait un peu con. Ah bah ouais, c'est exactement. Bah, restez avec nous en tout cas, on va parler de sexe, on va rappeler aussi des pervers dans moins de 15 minutes. On sera ok également des cagulas. On serait qu'est-ce qu'il y a pour qu'il rigole, j'ai dû dire une connerie. T'allais dire dans moins d'un quart d'heure, dans moins de 15 minutes. De 15 minutes, 15 secondes, pardon. Reste avec nous jusqu'à 23h. D'un quart, 15 minutes. C'est la libre antenne, reste avec nous jusqu'à 23h, c'est la première. N'hésitez pas aussi à rajouter sur Facebook tous les nouveaux animateurs. D'ailleurs, donnez vos noms Facebook. Alors, il y a Al, vous connaissez Al, on sait quoi. Blanqueur le gros air. Voilà. Ah, je suis sûr qu'il y a des cons comme Nicolas. Oh mais ça peut être un parc des gars. En train de chercher Blancard le banque. Nicolas qui va dire t'as changé de Facebook. Blancard le gros dard. Allez Ben, c'est quoi ton Facebook? Hein? Voilà, je viens d'émerger. À un moment, faut être non, c'est lui, c'est le hashtag. J'ai mon téléphone dans les mains. Hein, fout, hein. J'ai envie de dormir. Hashtag, je m'emballec. Geoffrey, c'est quoi toi? Alors, moi, c'est Mac Geoffrey Radio Mix Floor. Pourquoi Mac? Mac? Parce que c'est mon nom de famille. Mac, d'un coup, comme les gens sont gênés. Ça gagne combien, mec? Ok. Alison, c'est quoi ton Facebook? C'est Alison Radio Mixplore. Ah, comme ça. Mmh. C'est pas Alison. Ah, ouais, non. Par contre, la voix dégueulasse que t'as. C'est Alison Radio Mixplore. Ah bah, écoute. Ouais, parce que c'est un peu con, tu passes derrière un mec c'est et là, ça Radio fait, Mixplore. Elle avalait des cailloux, elle avait des cailloux. Elle passe derrière, elle parle derrière un mec. Ouais, c'est Alison, Radio Mixplore. Elle est. Comme si tu vas voir le patron au bois de Boulogne. Ouais, c'est combien? Je sais pas, voir. Ouais, moi c'est Alison, ouais, c'est 50 balles. Elle vient d'où pour l'asile? Jojo, c'est quoi ton Facebook? Frédéric Flippo. Ah, c'est Fred. Parce que j'ai pas eu trop le choix, ça fait 5 fois qu'on me supprime, donc j'ai dû remettre le nom normal quoi. Et je vous emmerde. Je viens de te mettre des gueules dans le shot. Enculé. Ouais, c'est le mot, ouais. Ouais, c'est le mot, effectivement. Et toi, Magnier, c'est quoi? Moi, écoutez, c'est Alexis Magnier parce que j'ai le même souci que monsieur Flippo. Ta gueule! Écoute, j'essaye d'être sympathique, il m'envoie chier, c'est pas grave, ça va se payer. Donc moi c'est Alexis Magnier, entre parenthèses bien entendu, Tonton Magnier.

moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Allez, bonne soirée, le son de Black M l'instant, je suis chez moi, 22h22 en direct, jusqu'à 23h, c'est la Libre Antenne. Du lundi au jeudi, 21h23h, Alex Libre Antenne, sur Radio Mix Floor. Et on en ensemble évidemment jusqu'à 23h, on lâche rien, on est là avec toute l'équipe au taquet, avec le hashtag rentrée Radio Mix Floor. Bah oui, c'est la grande rentrée pour nous, animateurs, et puis on va être là toute la saison, voilà, jusqu'en juin, on va être là tous les soirs, du lundi au jeudi, 21h23h. D'ailleurs, je vais vous une petite occasion là pour vous faire découvrir un petit peu les nouveaux programmes, donc comme vous avez pu entendre tout à l'heure le Before Dance Floor, nouvelle émission avec notre ami Kev, 20h-21h, 21h-23h, ça sera Libre Antenne du lundi au jeudi. Le vendredi, ça sera Planet Mix, comme le samedi d'ailleurs, Planet Mix à partir de 20h le vendredi, donc ça démarre dès demain. Et puis samedi, à partir de 21h le vendredi à 20h, ça sera toute la soirée animée soit par Quentin, soit par moi-même. Donc là, je démarre ce vendredi Planet Mix, et puis vendredi prochain, on se retrouvera avec nos amis DJ qui mixeront en direct. Et puis voilà, donc c'est un petit peu le programme Radio Show, et puis évidemment le son Dance Floor H24. 7 jours sur 7, évidemment. On est ensemble. D'ailleurs, on vous a prévu des grosses surprises. Alors, on n'est pas prêts pour ce soir, mais en tout cas, on a prévu des belles surprises pour les jours à venir. Donc, rassurez-vous. En tout cas, ça va être démentiel. Hein, ah, Jojo. Oui. Ah, carrément. On a travaillé jusqu'à 5h30 du matin. On était juste avant la pub à la rubrique sexe de Tonton Magné, avant qu'on appelle des pervers dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'on t'écoute On va s'échauffer, un peu. J'ai quelques énigmes. Tu peux parler ton micro, ah oui, pardon, excusez-moi. C'est ma faute, il n'y a pas de casque. Une erreur de débutant, je vous l'accorde. Je vais vous poser différentes énigmes sur le sexe, bien entendu. On dirait le père Fouras. Ouais, par contre, tu peux accélérer ou t'as Ah, pardon ou ça, parce que là, t'es un peu long. Oui, bon, allez, on va commencer. Une femme en a besoin 3 fois plus que l'homme pour arriver au même degré d'excitation que l'homme. Qu'est-il ? Comme dirait tu peux répéter ? Ah, faut que je répète en plus. Ah, une femme en a besoin 3 fois plus que l'homme pour arriver au même degré d'excitation que l'homme. 3 fois plus de préliminaires. Bah, des doigts, du beurre. Les préliminaires. Ah, il est bon. Bonne réponse. Mais j'ai les explications, bien entendu. J'ai des explications. Ah, les préliminaires. Ah, pourquoi son excitation est plus large et plus étendue à tout son corps ? Pourquoi ? Qu'un homme a juste le l'aspico. Ouais. L'astico. C'est pour les Pokémon. Et l'astico est plus facile à trouver. Ah, d'accord. Que le sexe féminin. Ah ouais. Évidemment. Bien entendu, une femme a besoin de se toucher un peu plus longtemps que l'homme pour pouvoir arriver au même degré que l'homme. D'accord, ok. J'ai rien compris, moi. On s'en fout. j'en ai encore. Vas-y, on t'écoute. Ouais, une femme met 45 minutes la première fois contre 3 minutes les fois d'après. À votre avis. Putain, bah, c'est compliqué. La première jouissance. C'est normal, c'est 50 centimes la première fois, 2 euros la deuxième. Ah bah il est bon. J'ai étudié le sujet, mon ami. Alors on se pose des questions. L'orgasme. Oui, ouais. Je parlais pas de ça par masturbation. En fait, la première fois, elle ne connaît pas son anatomie, bien entendu. Et à partir de la deuxième fois, elle a enfin trouvé le point G, si je puis dire. Et puis après, à partir de 45 minutes, elle passe sur du 3 minutes. Et là, je peux vous dire que là, elle enfonce les doigts, papa. Et puis bon, c'est parti pour la vitesse maximale, là. Non, mais c'est quoi la masturbation ? Comment ? T'as dit masturbation. Ah, excusez-moi, j'ai la pâteuse un peu. Bah, c'est comme la masturbation, mais avec un tube. Ah ouais. Bagny doit connaître ça. Non, mais à force de parler de préliminaire, j'ai parlé de préliminaire, parce que pourquoi j'ai oublié le R, c'est que je viens d'aller faire un petit brut minou juste avant de venir, et j'ai la langue un peu sèche. Avec Chantal. Et du coup, j'oublie quelques lettres. J'oublie quelques lettres, voilà. Tout simplement. Une autre info, sexe. Une note, qu'appelle-t-on éjaculation conte portas ? Comme ça, en espagnol. Qu'appelle-t-on éjaculation ? C'est une éjaculation dans un bus. Conte portas. Attends, je répète. L'éjaculation dans un bus. L'éjaculation conte portas. L'éjaculation conte portas. Précoce, hein ? C'est un peu plus pratique, ça. Un peu plus... C'est... Non, j'ai réagi, alors là t'avais à côté de moi avec sa fleur dans les yeux, dans les machins. Non, mais c'est... Elle me regarde. C'est en train de réfléchir, quoi. Oui, c'est quand... Vas-y, à toi l'honneur, Quentin, vas-y. Allez, Quentin. Conte portas, c'est plutôt basé sur les mecs ou les meufs ? Mais c'est basé sur les meufs, monsieur Quentin François. Bon, en fait, c'est le mec qui est en train d'éjaculer sur une espagnole et qui fait Conte portas, conte portas. Non ? Un peu plus scientifique que ça, monsieur. C'est du latin ? Je vous explique, en fait, le conte portas, c'est l'éjaculation la plus précoce de l'homme. C'est-à-dire, tout simplement, que l'homme éjacule avant de rentrer son zizi dans la fente de la dame. Ah ouais, ça, l'éjaculation conte portas. Ça t'est jamais arrivé, Jojo, ça ? Bah, pas du tout. Ah non, parce qu'il a jamais vu de chatte. Plus vulgairement, on appelle ça la première goutte, quoi. Non, c'est le degré le plus. En fait, t'as l'éjaculation précoce. T'as l'éjaculation où tu vas rentrer, tu vas cracher au bout de 2-3 secondes. Et t'as l'éjaculation avant précoce. Quand t'es pas le temps, c'est-à-dire que tu vas arriver vers la demoiselle et tu vas cracher sur le maillot sans. C'est comme Nicolas, quoi. Ah merde. Non mais ça c'est une maladie, mais gros tu dois te sentir mal dans ta vie, sérieux. Ah, franchement c'est vrai. Écoute, je peux pas te renseigner parce que moi j'ai plus de 45 minutes par rapport sexuel, donc effectivement je peux pas te renseigner à ce niveau. Demande à Ben. Oh là, je te jure, mais 45 minutes c'est chiant parce que quand tu mets un préservatif ça sent le cramer après. Moi j'y vais à sec. Merde. J'y vais à sec. J'en ai une petite dernière. Allez, petite dernière vite fait, allez. 82,2%. Bah arrête de faire ton action, c'est plus la merde. 82,2% des hommes l'ont fait à 15 ans, 24,9% des filles. On fait également 15. Bah, la première fois. Non, la masturbation. Mais il est lui, il est vraiment fort. Il gagne quoi, le trophée de la bite d'or? Il gagne une capote de la marque. T'as pas cité de marque. Pardon. Il gagne une capote de la marque de la pharmacie du coin. Okay. La bite d'or est déclarée all. J'ai pas compris. Je peux vous donner une explication toute simple. C'est un peu la même que tout à l'heure. La masturbation, le sexe des garçons est plus facile à trouver que celui de la fille. Les clitoris est plus dur à trouver. Bien entendu, une fille doit se chercher un peu plus longtemps. Bon, je vous avouerai que la première fois, 45 minutes pour la recherche tout à l'heure, bon, elle a les doigts un peu secs. Tu t'es masturbé à quel âge, toi, la moi fois? Moi, j'ai eu mon premier rapport sexuel à 14 ans. J'ai connu la masturbation. On t'a demandé de masturber, on t'a pas dit à quel âge. Ah, pardon. La masturbation, j'ai connu ça à 11 ans. 11 ans, toi, Jojo? Moi, 10 ans. C'est vrai, 10 ans. Putain. Avec une tasse épilée, Lobé. Dans la douche. Et franchement, dans la douche. Ah ouais. Avec ouais. Une pomme de douche. Non, c'est vrai que c'était avec sympa. Avec une pomme de douche. Non, avec avec des collègues. Attends, de votre la première, masturbation, pas ton premier rapport. Non, la première masturbation. Avec un rapport sexuel avec un pommeau de douche. C'était vraiment excitant. Oh putain. À 11 ans, avec ses collègues de basketball dans la douche. Ben, toi, c'est avec tes collègues de football là, actuellement. Quand t'as ta première masturbation, à quel âge? 12 ans, 12 ans et demi. Ah, 12 ans. Ah. Maitre-li. Non. Il y a une tête à savoir masturber avant. Hein. Oh, pas du tout. Bon, c'est pas grave, Al. Bah écoute, moi ça doit être dans les alentours de 14 ans, quoi. Je me sens. Oh, oh wow, ouais, c'est tellement petit. Ouais, 13-14. Non, c'est vraiment pas crédible. Écoute, ça va être 10 ans, tu vas te toucher la bite à 10 ans, gros. Moi je me suis touché la bite à 10 ans. Hein. Bah non, c'est un peu trop. Ben, il y a 3 semaines. Il s'est bronzé sur la salle à mèche. Ben, il y a juste un instant, il vient de recoller la latte du bureau, là. C'est dégueulasse. Mais laissez-le tranquille, Ben. Ben, à quel âge? 11-12 ans. Oh, ça va, Ben. Il y a que moi qui... Moi, je sais plus, 15-16 ans. Mais interdit. 15-16 ans. Tite a dû te branler avant, hein. Arrête, hein. 15-16 ans. Qu'est maintenu. Et toi, tu t'es branlé à quel âge? Non, je ne suis pas branlé du tout, moi. Ce sera secret. Pardon. Ah, ça, c'est la réponse de la nana. Moi, je me suis jamais touché. Ouais, c'est vrai, tu t'es jamais touché à les autres. Je reviens sa famille qui écoute, du coup, elle est un peu gênée. Jojo, ce qu'il a oublié de préciser, c'est que la masturbation l'a d'abord fait par l'arrière que par l'avant. Je préfère préciser pour information. Bah, c'est pas grâce à toi, heureusement. Bon, bah, reste avec nous en tout cas. Et toi, Alex. Et lui, moi, là. Moi, c'était à 13 ans. Non, mais lui, là, qui rigole. Ah, Kevin, très bien entendu, Kevin. Ouais. Kevin, viens. Ah, tu es Kevin. Rapproche-toi de mon micro. Kevin, c'est ta gueule. Ça marche, hein, Kevin. Ouais. À quel âge? 14 comme Al. Ah bah voilà. Je suis sûr il y a 21 âges. Bon, ouais. Ça se trouve il y a 2 ans. Bon, reste avec nous. Bon maintenant c'est... C'était nul sa chronique. Hein. C'est l'heure 22h30. Oh. Ne jamais critiquer, ça peut vous tomber dessus. Toi t'as fait un coup de gueule sur une émission qui est... Le mec a fait un coup de gueule. Le mec a fait un coup de gueule sur une émission qui est suivie par plus de 80% des jeunes. On n'en a rien à foutre. Il vient de parler lui. Et en plus t'as critiqué la première de TPMP alors qu'ils ont fait 1,7 million dès la première. Je les emmerde. Encore deux. Oh. Ouais, il faut dire ce qu'il y a quand c'est même, c'était de la merde, c'était de la merde. Fais le malin. Repasse sur tes chroniques de petit. Moi j'étais pas en train de regarder la première, j'étais avec le patron en train de parler de la première saucisson. Hein. Alexis, pour la prochaine émission, remets-le sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la recette au petit rond. Je t'en sortirai des recettes, crois-moi. Alors reste avec toi, on dirait jusqu'à 23h. 22h30, et ben ça va être l'heure. Évidemment d'appeler la nouvelle rubrique, hein, ça s'appelle l'appel de Charlotte. L'appel de Charlotte. Ah, mais ça va. Jojo qui est quitté. Non, c'est Charlotte qui est. Ça, ça, l'appel de Charlotte, on va appeler des pervers. Faut que je vienne te mettre des gueules dans la chatte là. Ah, bah ça va être exactement ça. Alors pendant toute la semaine, j'ai contacté des pervers un petit peu sur les différents sites. J'ai eu 2 numéros. Alors j'espère qu'ils vont répondre. Je leur ai envoyé un petit mail ce matin et ça va être comme ça un peu une fois par semaine là dans la libre antenne. Je vais appeler les appels de Charlotte. On va appeler des pervers. Alors je vais commencer. Évitez de trop rigoler parce que sinon ça va faire ça va faire vraiment rire. Allez, je vais appeler le premier pervers, il s'appelle Alain, il a 41 ans. Putain, Alain. Il va te rentrer à l'intérieur, qu'il a dit. Et je vais me faire passer pour Charlotte. Salut, j'adore. Je suis Charlotte. Je suis une bonne petite... J'ai une érection rien d'entendre ça. Je suis une bonne petite fille. J'adore. Bon, j'appelle Bruno. Attention, je demande le silence au plus complet. Oui. Dans, évidemment. Au plus complet, ouais. Au plus complet dans la salle, s'il te plaît. Non, au plus con, le surtout. Silence le plus con. Au plus con, monsieur Manier. Tonton, on l'a dit. Tonton. Allez, j'appelle. Alain, en direct, évidemment. C'est les appels de Charlotte. J'espère qu'il va répondre. Est-ce qu'il va répondre, Alain ? Il faut qu'il réponde. Bonjour. Ah ouais, il répond pas. Bon bah attends, c'est un autre numéro. Attends. Il y a un silence coupé dans la salle, du coup il n'y a plus personne qui parle. C'est attends, normal. Attends, bah ouais, je sais pas. Ouais, je suis déjà en train d'ouvrir ma braille, moi j'étais prêt là. Attends, j'ai le numéro. Attends, arrête j'ai... de regarder, Joe, pervers. Là. Qui ? Mais moi j'ai rien fait. Non, c'est Joe, pas Jojo. Putain, mais faut, ça va pas aller ça. Jojo, il est déjà en train de toucher le bureau avec sa top. Et il parle de toi, pas moi. Non, je parle de toi, Jojo. Bon, je vais appeler Bruno, deuxième numéro. Oh merde. Oh oui, Bruno, on a envie. Salut, c'est Bruno. Je vais me branler. J'espère qu'il va répondre. Allô. Allô. Allô. Allô, Bruno. Oui. Oui, c'est Charlotte. Je te dérange? Non, pas du tout. Non, je sais pas. Tu te rappelles de moi? Oui, oui, tout à fait, oui. Non, on s'est parlé par mail. Oui, oui. Je te dérange peut-être? Non, je t'écoute. Non, bah en fait, je voulais t'appeler parce que il fallait qu'on se voie et puis. Et puis voilà quoi, donc en tout cas j'ai beaucoup aimé ton texte. Ouais, c'était fait pour. Merci. Tu fais quoi là, je te dérange peut-être? Pardon? Je te dérange peut-être, tu fais quoi là? Là je suis chez des amis, c'est pour ça un petit peu. Ah merde. Donc, tu veux que je te rappelle? Je sais pas, tu peux pas m'appeler demain dans la journée, non? Ça t'embête. Demain je bosse, reste... Attends deux secondes. Alors demain je bosse en restauration, t'as pas moyen de te mettre un petit peu vite fait aux toilettes là, je dois te parler un petit peu. T'as pas moyen de te mettre, je te rappelle genre dans 5 minutes. Non là c'est chaud. Vas-y dis-moi ce que tu veux savoir. Non, je voulais savoir que si on se voit, qu'est-ce que t'allais me faire. Parce que là je suis genre tout seul chez moi et genre je pense à toi justement et je voulais savoir ce que t'allais me faire si on se voyait. Bah écoute, tout ce que tu souhaites, hein, dans tout ce que tu souhaites, moi je sais pas, après c'est dans... faut débattre de ça avant, faut se voir je pense d'abord. Ouais, non mais je veux dire, qu'est-ce que t'as l'habitude de faire, c'est quoi tes spécialités? Bon bah moi j'aime bien dominer ma partenaire, moi j'aime bien dans la douceur, dans être plus rude après si tu veux. Et genre t'aimes bien... T'aimes bien faire quoi en fait? Déjà, moi j'aime bien, c'est la grosse fellation, tu vois. J'aime bien prendre la bite et tout, la sucer et tout. Je sais pas si tu kiffes ça. Ouais, bien sûr, toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème. Et t'es célibataire? Ouais. Ouais, d'accord, ok. Et tu serais dispo ce week-end ou pas? Ce week-end, c'est chaud. Parce que je reprends le sport pas mal et je fais du trail, je fais de la course à pied. Oh ouais. T'es sportif? Ouais. Ah, d'accord. Et genre, tu tiens combien de temps du coup avec moi? Parce que là, moi, il faut que tu me fasses voyager, quoi. Bon, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas de ce côté-là. Non, je m'inquiète pas, non. Mais je peux pas te rappeler après ou... Parce que là, je suis non, tout c'est seul, chaud, en fait. Ouais. Bon, pire, c'est... Bon, rappelle-moi demain. Ouais, rappelle-moi demain. Je te rappelle demain. Ça marche? Ça roule. Mec, ciao. Je garde ton numéro. Bisous. Il a complètement raccroché. Il est au taquet, lui, dès le début. Là, comment il t'a mis un vent? Ciao, bisous. Juste énorme. Ouais, je fais beaucoup de sport. Il est au taquet là, Bruno. Bruno, il a le beau chaud. Bon, les appels de Charlotte que vous retrouverez évidemment le soir, évidemment. Bah, lundi soir, j'essaierai de rappeler Mister Bruno. Je vais essayer de l'appeler demain après-midi. Je serai là, moi. Et puis, voilà, restez avec nous en tout cas en direct. Ça se passe comme ça. Dans quelques instants, on fera Info Attox avec Quentin. Ouais. On fera Vie de merde avec Joe. Et puis, on essaiera de faire Avez-vous vu Chantal avec le Mister Al. Ah ouais, j'adore. Chantal. mal, t'as mis ton doigt dans mon trou de balle. Et ça fait mal. Et c'est normal. Reste avec nous jusqu'à 23h. C'est la Libre Antenne, merci d'être avec nous. C'est toute l'équipe, ça se passe comme ça, c'est des dagues. DJ Snake pour la suite. We were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Jusqu'à 23h, ça se passe comme ça, 22h passé de 42 minutes, on est ensemble jusqu'à 23h. J'ai envie de dire qu'est-ce que ça passe très vite, j'ai envie de chanter, mais ça passe très très vite évidemment. Reste avec nous en direct, il y a Al qui est avec nous, il y a Ben qui est avec nous, il y a Jo qui est avec nous, il y a... Jo, allume ton micro. Il est allumé ? Vas-y, reparle. Ouais. Et bah là, on t'entend. Alison qui est avec nous. Il y a Jojo qui est avec nous, il y a Tonton Manier qui est avec nous. Put your hands up. Et il y a Quentin qui a la réalisation. On en ressemble évidemment jusqu'à 23h. On va parler à fond à Tox avant. Puis juste après, ce sera vide merde avec Joe. À fond à Tox, ça va être notre ami Quentin. On t'écoute. Ouais, justement, Alex, j'avais une petite dédicace pour toi. Ah, dis-moi. Puisque tu adores Alexandre Astier, l'acteur de Kaamelott. Ah oui, j'aime bien, ouais. Un bon acteur. Non, pas du tout. Ah, pardon. C'est juste une info que j'ai trouvée comme ça sur le net. J'avais cru. Alors, pour commencer cette première info intox de l'année, Alexandre Astier a donné son nom à quelque chose. Je ne vous dis pas quoi. Il a donné son nom à quelque chose, info ou intox. Qui ça ? Info. Alexandre Astier, l'acteur de Kaamelott. Un Godemiché. Non. Non, ouais, moi je dis info. Ouais. Info, ouais, moi je dirais une étoile. Ouais, également, ouais. Moi je dirais info, ouais. Info ? Tout le monde info, Ben ? Ouais. Info, ouais. Intox. Ah. Ouais, intox pour Tonton Vanier. Je les emmerde donc. Eh ben, Tonton Vanier, tu as eu faux. Ah, merde. Alexandre Astier en effet donné son nom à quelque chose, et rassurez-vous, c'est très bien pour lui, justement, puisqu'il a donné son nom à un astéroïde. Ah, j'étais pas loin. Un astéroïde. Un astéroïde. Ouais, c'est un peu con parce que moi j'ai donné trois noms différents à trois étoiles que j'ai acheté moi-même. Donc, Non, mais, et moi j'en ai 10 noms à 10 gosses. Précise que tu ne connais pas. Ouais. Et enfin, ils vont venir frapper à 18 ans à ma porte, mais pour l'instant ils sont encore jeunes. Là, évidemment. Donc je rappelle également que c'est une rubrique un petit peu culturelle. Ah, parce qu'on en apprend dans cette culture, rubrique, évidemment. Ah, mais il faut nous cultiver. Mais justement, la Libre-Bretagne change cette année. C'est plus trop dans. On se marre, mais aussi on fait aussi de l'info. Et... Voilà, on donne des infos un petit peu culturelles. La suite, Quentin. Donc évidemment, donc attends, je vais quand même donner la réponse. Donc info, donc c'est Patrick Sogorb. Ah bah oui, Patrick, on connaît Patrick, c'est ton voisin, tu vois. C'est un astronome amateur français qui a découvert un astéroïde dans la Drôme provençale. Et donc il a décidé de dédier cette découverte à l'auteur de Kaamelott sur M6, tout simplement. Et ben voilà. Ah donc c'est pas l'auteur même qui a donné son nom. Non, on l'a contacté avant, évidemment. Ouais, donc ton info est plus du cul, quoi. Non, pas du tout, non. Ah si, parce que c'est quelqu'un qui a donné avant, le nom d'Alexandre Astier. Bon, la suite alors. Bon. La deuxième alors, il existe un toboggan de la taille de la Tour Eiffel. Ah oui. Info. Moi, je te laisse développer. Non mais info, oui. Attends, parce on va laisser tout le monde répondre avant. Moi j'ai un tox, moi ça me paraît gros. Non, info. La Tour Eiffel, ouais. Oui, info. 300 mètres passés. Oui. Je rappelle info. Pour ceux qui ne savent pas. 300 mètres, la Tour Eiffel fait pas 300 mètres. J'irai un tox. Parce que va te mettre en maillot de bain à 300 mètres de haut et puis va glisser. Bah, si. 300 mètres la Tour Eiffel. Si. Plus de 300 mètres, ouais. C'est dans un pays lointain. Moi personnellement, j'irai aussi info parce que vu que Jojo est sûr de lui, moi j'ai info également. Copieuse. Mais Jojo, c'est pas la référence. Il aime pas les femmes, ne cherche pas. moi personnellement, je dirais que c'est info, c'est un peu la taille de mon gars. C'est qui a dit ça? 300 mètres de long. Donc, attends, 300 mètres de long ou 300 mètres de haut? De haut. Haut. Ah non, non, c'est pas un show. Un tox. Non, je reste sur un tox. Un tox. C'est bidon. Info. Un tox. Info, Jo. Un tox. Ok, alors. Donc c'est info. Oui, oh, j'avais raison. Oui, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Mani, exactement. Mani, comme si il avait une vidéo sur YouTube. Exactement. Je sais plus, c'est où? C'est à Los Angeles. Oui, ben bah voilà. Ouais, un toboggan qui fait 300 mètres de haut en plein cœur de Los Angeles, évidemment. Ouais. Alors on va certainement peut-être vous mettre la vidéo sur la page. Ah, le community manager est parti coucher là. Sur la page Radio Mix Floor, on va vous mettre la vidéo. T'arrives là-haut, t'as les couilles au glaçon quoi, c'est pas possible. 300 mètres d'eau, il fait un ascenseur. Ouais, et ils ont les bras en croix et tout, et ils descendent de trucs et tout. J'ai vu la vidéo. D'accord, merci Jojo. Tu passes de moins 20 à 2 degrés en 30 secondes. Non, j'ai regardé la vidéo cet après-midi, c'est pas 300 mètres d'eau, en fait ils dévalent pas 300 mètres d'eau direct. Pourquoi quand on demande, tu nous dis 300 mètres d'eau? C'est ce que je viens de te demander. À 300 mètres de hauteur. C'est un simple toboggan normal, mais à 300 mètres de hauteur. Ah ouais, ça descend. Al, ça il monte à 300 mètres et il fait des tourbillons. Ouais, mais c'est énorme, mais t'imagines. À peu près, c'est un peu. Bref. Ah non, j'ai compris, en fait, le toboggan, c'est genre comme si il était en haut de la Tour Eiffel. Voilà. Mais il est petit, le toboggan, en fait. Voilà, exactement. Et c'est ce que je viens de te dire, donc il fait pas 300 mètres de haut, il fait 300 mètres de long. Mais non, pas de long. Moi, je croyais qu'il faisait 300 mètres à descendre, moi. Il y a Al qui a pas compris. Attends, il fait pas 300 mètres de. Il va pas de. Il part pas d'en haut à 300 mètres. Il fallait appeler ça la robe. En fait, le toboggan est situé à 300 mètres en hauteur. Voilà. Allez, mais en train de se contredire le gars. Non, il faut pas plus 5 à pour comprendre ça. Mais non, mais. Vous avez regardé la vidéo sur vous. Il fait 300 mètres de haut ou 300 mètres de long. Je perds mes mots. On fait un débat de malade en fait. Oui, bref. Justement, c'est ça qui est là. Mais moi j'ai gagné donc je m'en fous. Dernière info. Donc, il va passer pour un con alors j'y suis pas quoi. Est-ce que vous connaissez Billy Crawford? Oui. Al c'était son sosie. Al il portait un. Moi je connais moi. À la place de ses cheveux il portait un ruban comme Billy Crawford. Exactement. Il est pas mort lui? Non. Ah non, c'était l'émission. Le sosie. Ah, c'est le mec Billy Crawford, c'est le premier mec de. Comment elle s'appelle? Jennifer. Laurie. Non, Laurie. Laurie. Allez, vas-y. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Billy Crawford. Dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Billy Crawford se lance dans la politique pour son île des Philippines. Parce que merde. Non, mais Billy Crawford est originaire des Philippines. Bon, un tox. Non, c'est info. Info. Ouais, mais là, il s'est présenté à la mairie de son village. Non, sérieux? Info. Info. C'est pas le village de mon cul. Moi aussi, j'ai info également. Info pour Alison? Ouais. Ouais, c'est tellement un pays de merde que ça doit être vrai. Un tox. Non, un tox. Pour moi, c'est un tox. Billy Crawford, il savait déjà pas chanter, alors faire la politique. Bon, pour les intox, vous avez raison. Eh ouais. Merde. Billy Crawford. Alors ne viens pas en politique, mais reviens bel et bien dans la musique. Oh merde, ah, mais là, tu restes pas en politique, ce con. Oh putain, qu'est-ce qu'on va subir. On aura pas faire la politique sans ce coup-là. Hein. Il revient après 16 ans d'absence. Ah bah, il aurait dû rester absent. Hein. 16 ans. Il avait fait un single en 2000, Manier nous l'a chanté tout à l'heure. Ouais, c'est ça, tout à fait. Vas-y. Voilà, exactement. Donc il a quitté la scène après la rupture avec Laurie. Oh voilà. Merde. Voilà. Oh. Il avait quitté la scène après sa rupture avec Laurie en 2001. Il va relancer un nouveau single, mais uniquement pour son île. Donc ça restera uniquement dans les Philippines et ça ne viendra pas en Europe. Et c'est quoi le nom de son île? Il va chanter ça. Les regarde. Philippines. Philippines, Philippines, ouais. Sans. Ça c'est après 16 ans. Et son nouveau single c'est quoi? Et je fais un flop. J'ai pas l'info. Son nouveau single, moi je l'ai. Philippine enemy, win along with enemy. Philippine enemy. Merci Mali. Bon, merci en tout cas Quentin pour cette rubrique de info. Un tox évidemment. J'ai gagné quand même. Dès la semaine prochaine, non, mais il n'y a pas de gagnant. Bah, s'il y a gagnant, Ali gagnera avec des bites d'or. Non, mais Ali a gagné une bite d'or. Il est au-dessus. Ah, le god d'or. Mais après, j'ai passé sur du plus trash, avec du caca, tout ça. Ah, il nous fait chier. Par contre, je te pourrais même pas te gagner là. Non, c'est Jojo la boîte à caca qu'on est. Ah oui, parce que moi, tout ce qui est boîte à caca. Miam miam. Bon, reste avec nous jusqu'à 23h, c'est la libre antenne, merci en tout cas. T'as pas de chance au grattage, mais t'as la chance au tirage. On ça dépend qui c'est qui tire. On se fera vite de merde avec Jo dans quelques instants, puis on se fera également avec vous, Chantal. Reste avec nous jusqu'à 23h, c'est la libre antenne. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Chaque année, certains la redoutent, d'autres l'attendent avec impatience. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. American Nightmare 3, élection. Aujourd'hui, une femme ose se dresser contre la violence aveugle. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. American Nightmare 3, élection. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. Actuellement au cinéma. Top raison numéro 1 d'être Sam ce soir. La vie de tes amis, tu sauveras. Bonjour Théo, c'est Madame Millefot, la mère de Jean. Ah, bonjour madame. Je vous remercie d'avoir sauvé la vie de mon fils hier soir. Bah, c'est normal madame. Non, pas boire et ramener ses amis sains et saufs après une soirée, c'est très courageux. Ah, c'était mon job madame. Isabelle. Ok, Isabelle, moi hier c'était Sam. Sam? Pourquoi Sam? Eh ben, on pourrait peut-être prendre un café, je vous explique, et on apprend à se connaître. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Radio Dance Floor, un max de son Dance Floor. C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation. De Clara, qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain. Ou encore de Nathalie, qui a oublié les brassards et les couches bébé nageurs de son fils. Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind. Top Sec Équipement propose un concept exclusif, Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité à prix très attractif, disponible dans toutes les piscines de France. Youhou ! Info sur la page Facebook Top Sec Équipement. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. C'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté. Que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. On dirait. On dirait bien que c'est qui voient la beauté bien cachée derrière les visages. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été on là. Dirait. Allez, bonne soirée, le son de Amir, le tout nouveau, on dirait une découverte, Radio X Flore, 22h54, on est ici, jusqu'à 23h, on bouge pas. Jusqu'à 23h, Alex libre antenne sur Radio X Flore. Si, ça se passe évidemment jusqu'à 23h, toute l'équipe, on va dépenser un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire, on est là avec toute l'équipe, il y a Al qui est avec nous en direct, yes. Il y a Ben avec nous, ouais. Également, il y a Jo qui est avec nous, ouais, ouais, ouais. Il y a Alison, ouais. Il y a Jojo. J'ai envie de chanter. Et puis il y a Toto Manier qui arrive et puis alors lui il est en train de faire caca. Il y a Toto Manier qui est avec nous. Il parle, non, il mange des chips, ça s'impère. Mais gueule pas. Mais comme arrête ça, de gueuler comme ça dans le micro, quoi. Le mec il... Bon, reste avec nous, on va se faire le Babi ou Chantal, mais avant ça, vie de merde avec Jo, on t'écoute. Ouais, ouais. Ta alors, première rubrique en direct à l'antenne, attention. Ma première rubrique. Alors qu'est-ce qui nous a marqué sur Facebook ce matin, Jo? J'ai été formation, je sais pas quoi, t'as marqué quoi? Moi je suis de formation jardinier en fait. Ouais, formation jardinier, je me retrouve animateur radio, bah comme quoi. Bah t'es pas grammé une belle plante, hein. Bah toi, bon, t'as bien le bureau de foyer, toi. Vie de merde avec Joe, on t'écoute. Alors moi, j'ai fait une petite compilation des pires phrases des gens qui savent pas draguer. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Mais quoi, il m'en cinglé. Il casse le décor. Il a flingué le rideau. Non, ah. c'est pas grave, c'est juste le truc qui est fixé. C'est pas grave, on ramassera plus tard. Il y a pas le truc, les gars. Ah, mais c'est pas grave, on passe. Il a fixé le truc. Bon, on t'écoute. Du coup, vie de merde avec Joe. Alors, la première que j'ai relevée, donc c'est mademoiselle, t'as de belles jambes, elles ouvrent à quelle heure? Ah ouais, pas mal, ça, c'est pas tout en ça. Pardon, j'ai pas écouté. Ah bah, il faut écouter aussi. Non, mais il y a l'autre. Tu peux le répéter? Là, tu peux le répéter? Et mademoiselle, t'as de belles jambes, elles ouvrent à quelle heure? Ah, pas mal. Ouais, je la sortais déjà en 6ème celle-là, mais c'est pas mal. J'en ai une esprit pour tonton Manier. Ah, écoute, avec. Ah bon? Et mademoiselle, c'est pas parce que t'as un mec. C'est pas parce qu'il y a un gardien de but qu'on peut pas mettre un but. Ah ça c'est pour tonton Manier, ça. C'est mignon. Il y en a plusieurs comme ça. Je peux t'en donner pour tes prochaines rubriques si tu veux. Moi, hashtag Olivier Tom. C'est pas parce que t'es au régime que tu peux pas regarder la carte. Oh, mais c'est connu, ça. Ouais. C'est pas parce qu'il y a un fort, tu peux pas rentrer. Il y en a plein comme ça. C'est pas parce qu'il y a tonton Manier que tu peux pas rentrer non plus. La suite, ouais, donc, moi je peux te dire que devant ma porte il y a mon poing qui va te claquer direct, ouais, je peux te le dire. Hein. Donc, ça commence déjà au fist. Défends-moi s'il te plaît parce qu'il commence à me casser un peu lui. Va te faire foutre avec tes photos et prends une photo avec moi, tu m'as pris ta gueule. Il nous a mis un chapeau là, c'est tonton Zaza. Non, c'est parce que c'est tonton. Ah, j'ai pété. Ah, je viens de lâcher une caisse. Regarde ta photo. Bon, allez, Jojo, la suite. Alors, la suite. Est-ce d'accord, merci. Est-ce que ton père il est pas fermier? Parce que t'as l'air d'une belle cochonne quand même. Ah, pas mal, je connaissais pas celle-là. C'était mignon. Je connais ton père, il est pas militaire parce que t'es une bombe. Quoi, oh, c'est pas mal, j'adore. T'as les yeux si profonds. Heureusement que ton père il est pas vendeur à Carrefour Market. Hein. Pourquoi? On te bah, pas je sais pas. On veut dire. Attends, qu'est-ce que t'as dit, Joe? Parce que t'as le cul comme une bouteille de Vittel. Ouais, moi j'en ai une moi. Pas mal. Moi j'en ai une moi. Heureusement que t'es pas le tunnel sous la manche parce que Jojo c'est le bus. Oh non. Mais quel connard. C'est pas un bus, mais c'est un train. Mais bon, l'autre il rigole, y'a même pas le casque, y'a rien. Les gilles, il tape sur la table, hein. Ah mais hey, grand, hein, si t'as quelqu'un embrouillé, c'est pas lui, t'as rien fait, c'est moi grand. La suite, Joe. T'as les yeux si profonds qu'on peut voir l'intérieur de ta chatte. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'est bon, c'est bien qu'on s'est pris. Et moi j'ai la bouche tellement aussi grande qu'on peut voir le profond de mon slip. Hein. Je l'ai dit avant qu'il le dise. D'après ce qu'on voit, ça a pas l'air très propre. Hein. J'ai un cul tellement propre que je vais te dire franchement, viens le sentir. Hein. Je passe mon tour. Moi j'irai, non merci. Ok. Jojo, crois-moi, c'est pas si tu vas pécho. Hein. Babylone ou je sais pas quoi. Moi j'ai un truc à citer. Moi je dirais, Jojo, elle a tellement une grande gueule que quand il fait cracher dessus, il y a les spermatozoïdes pardon, qui gueulent. Ouais. Ils se disent entre eux. Oh putain, on est dans l'anus ? Ah non, on est que dans les amygdales. Oh, c'est pas dégueulasse, franchement, de me cartonner comme ça. Je c'est lui qui a commencé la suite, Jo. Vas-y, Jo. Quand je te vois, je me sens si proche de la nature que j'ai la sève qui coule du gland. Oh là, c'est beau. C'est tellement poétique. Ah, tellement poétique, mais en même temps, ça devient hardcore à la fin. Sève, t'es pas premier en classe de français, toi. Ouais. On n'a pas entendu ce que t'as dit. Si on parlait tous en même temps, on va jamais s'en merci sortir. Merci, Toto. Pas de soucis. Si ta jambe droite, c'est Noël, et ta jambe gauche, Nouvel An, est-ce que je peux passer entre les fêtes ? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, c'est beau. Je réponds même plus, moi. C'est tellement poétique, j'ai envie de dire. Ah, c'est beau. Mais il est un peu proche de ma rubrique, lui, le voleur, non ? Dans ce cas-là, c'est... Eh, en tout cas, il assure par rapport à la rubrique à Tonton Vanier. T'as la concurrence, là, t'as la concurrence. Et toi, avec ton coup de gueule à deux balles, là, tu rentres à toi, je te dis. Attends, il se prend pour qui, lui ? Mais donc la suite, allez-y. Bon, allez, une petite dernière, mais celle-là, c'est ma préférée. Oh, ouais. Les gens m'appellent Alex, mais toi, tu peux m'appeler Soir. Ah. On n'a pas trop compris. Lex. Hein. Lex, je pense Soir. Alex. Ouais. Les gens m'appellent Alex, mais toi, tu peux m'appeler ce soir. Ah, ça veut dire qu'Alex, il s'est pas chopé, en fait. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Ah bah non, il offre que du saucisson pour pécho. Ouais, t'es viré. Bah, hashtag d'accord. Bah, merci en tout cas, Jo. On peut l'applaudir bien fort avec sa nouvelle rubrique, évidemment. Ah, ouais, alors attends. Tonton Magny, t'es pas d'accord avec moi ? Y a personne qui applaudit pour ta chronique. Non, je sais pas pourquoi, non. Personne. Alors, lui, on l'applaudit parce qu'il a dit des hashtags. J'ai pensé juste après, excusez-moi. Non, il y a pas de favoritisme, non. Mais c'était bien écrit quand même. Ouais, c'était sympa. Enfin, c'est hashtag enfin, Facebook. C'est-à-dire que moi, c'était pourri, c'est ça ? Ouais, voilà. Non, il dira pas le contraire. Allez, la bite d'or. Mais non, la preuve, c'était. C'était plus recherché dans ton milieu, un petit peu cul, tu vois. Ah, moi, c'était. Moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a plu. Moi, c'était cul, mais intellectuel. Ah ben voilà. Et la preuve. Mais t'inquiète pas. Qui a été gagnant toujours de cul. Hein. Ben, tu fais quoi pour avoir fait l'amour? Il s'essuie dans les rideaux. Non, moi aussi, mais Ben. Comme ça, je fais gueuler deux fois. Ben, tu fais quoi pour avoir fait l'amour? Je fume une clope. Moi, je me lave le cul. Merci. Non mais je hurle. Bon, reste avec tout jusqu'à 23h. Quoi, t'es Jojo et t'as pas de la jeta team? Oh merde! Oh là là, qui c'est? Hashtag Carrefour Market. Quand t'es énervé, qu'est-ce qui se passe? Ah, Quentin, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde parle en même temps, c'est gênant. Tout le monde parle en même temps, c'est gênant qui dit là, réalisateur. Excuse-nous, on était que 3 à parler là. C'est la soirée des hashtags. Jojo avec tes chicots, tu aurais eu le rideau. Al, au lieu de rigoler, regarde derrière le hashtag rideau taché, c'est toi. Hein. Excuse-moi. C'est bien gentil. Reste excuse-moi, avec pour te rappeler les filles, ça date des 5 ans de la radio. On s'en fout. Et je pense que c'est Jojo qui a fait chier le monde avec ses bons de crème chantilly. Et ça n'a pas été lavé. Moi ? Ouais, il y avait tournoi. Il y avait Loua. Non, il y avait Loua, moi j'étais barré quoi. On s'en fout, on va pas réagir. Jojo, je te rappellerai juste que ton intervention pour les 5 ans de la radio devant la webcam, elle est actuellement sur Jackie Michel. Et justement. Qu'est-ce qui s'était passé pour ceux qui n'étaient pas là ? Les 5 ans de la radio. Non, en fait, les 5 ans de la radio, j'ai été. Il y avait une webcam qui était là, j'ai monté et je me suis. Je vous emmerde. Pour précision, c'est un vidéo dans la catégorie. Et je suis monté avec de la crème chantilly, j'ai léché mes doigts et tout. Oh. Et maintenant, je suis content avec Jackie et Michel. Grâce aux 5 ans de la radio, on était en top TT en fait pendant grâce à moi, parce que j'ai léché mes doigts. Et dès qu'ils ont vu Jojo sur la cam, le top TT, pourri quoi. Pour information, sa vidéo est dans la catégorie gore de YouPorn. Ouais. Franchement, tape Jojo radio, et tu vas voir. Ok. Bonne soirée. Jojo. Mais lui, il faut lui enlever son micro, ce connard derrière là. Ah là là, bon, en tout cas, merci d'avoir suivi. Évidemment, ça passe très vite, c'est déjà l'heure de se quitter. 23h passé de 2 minutes. Non, C'est fini. Ah là là là. On va pas se dire au revoir sur le quai d'une guerre. J'ai envie de chanter, je vais le faire. Ah, une main complète dans ta chatte. Mais Jojo, ça, c'est pour toi, ça, la chatte. Hein. Ah ouais, merci. Ouais, bon, bah, Jojo, on a découvert le personnage, évidemment, ce soir. On a découvert les nouvelles têtes, etc. En tout cas, avec le hashtag rentrer à Mixlore. Rassurez-vous, on revient dès lundi avec toute l'équipe. Alors, d'ailleurs, lundi, il n'y aura pas tout le monde. Hein. Lundi, je vais vous dire déjà qui en exclut. Il y a lundi, il y aura Jo, il y aura Liston, il y aura Toto Manier, il y aura Ben, il y aura Jojo, il y aura Alex. Il y a à peu près tout le monde. Oh, sauf, putain, il y a Corpa. Sauf notre ami Quentin, parce que Quentin me remplacera maintenant tous les mardis. Ouais. À 21h jusqu'à 22h. Ah, je sais pas si je serai là lundi, on verra. Pourquoi je suis sûr là, mardi, mais lundi, je sais pas. Attends, tu m'as dit lundi tout à l'heure. Non, excuse-moi, non, je t'ai dit Al. J'ai dit Al. Excuse-moi, t'es c'est où, mardi, mardi, c'est pas lundi. Hein t'es où, Al? T'es pas là, t'es où? Dans ton cul. T'es où, pas là? Pas dans mon cul, en tout cas. Alors, maintenant qu'il est, avant de finir l'émission, on veut comprendre le phénomène saucisson. Parce que même autour de cette table, il y a beaucoup de gens qui se comprennent pourquoi il y a eu un phénomène saucisson. Alors, explique un peu aux auditeurs qu'est-ce qui se passe, le phénomène saucisson. Oui, alors, je te préviens, tonton Manu, tu fermes ta gueule déjà. Non, il faut lui enlever son micro. Non, c'est hashtag sérieux. Par contre, patron Alexis, moi me faire insulter, on m'avait pas dit ça dans les papiers au début de l'émission. Après, je m'en branle, t'as signé, c'est pour en chier. Non, mais sérieux, parce que t'étais pas là, déjà on t'a appelé déjà 5 heures avant le début de la soirée. Avant. T'avais dit non, je suis pas là, ma meuf elle est en vacances, je suis pas là, enfin bref, on s'en fout. Il est célibataire. Hein. Ah, moi je suis pas célibataire. Ah pardon, excuse-moi. Non, pardon. Ouais. Tu remettras le rideau avant de partir. Non, j'explique juste un truc, c'est que nous on est venu à la radio lundi pour tourner le clip, comme quoi il y avait personne, hein, donc déjà non, j'avais c'est l'air con. Ton clip toi. Ça va, c'était bien. C'était bien fait, on y a cru hein. c'est déjà mieux que Alison ouais. Et Geoffrey leur scénario. Ouais. Attends. Parce que mais oui, c'est vrai effectivement. Il y a début à tout, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. Normalement, c'est Alexis qui m'a dit de faire ça, hein, donc déjà de une. Okay. Non, enfin bref. Donc du coup, on a dit on travaille sur plusieurs projets. Non mais sinon c'est chiant, vas-y continue un peu. Mais je te le dis. Non mais je dis qu'on a préparé l'émission, mais c'est pas grave, c'est voilà. Et on a été boire un coup dans différents cafés de Calais. Ouais, ça après. On le dit, ouais, mais on ne dit pas les noms des cafés, mais on le dit. Bon, et on est arrivé à un café où j'avais faim et Alexis m'a dit « Attends, je te ramène un saucisson. » Ça t'a fait rêver du coup. Qui a été offert d'ailleurs par la... Qui a été offert par la patronne. On va pas dire le nom du café parce que je veux pas le dire le nom du café. Non, mais surtout pas eux. Et voilà. Et en fait, on a eu un saucisson plus deux saucissons. Mais le deuxième saucisson, on a dit « On va faire des défis de saucisson. » Et il se l'est mis dans le cul. J'ai pensé à toi, j'ai gardé un morceau. Hein. On a parlé de saucisson tout le temps en fait, et du coup, ben, on va vous réserver une surprise spéciale saucisson. Voilà. Mais à toute l'équipe, hein, je vous le dis. Ouais, hein. Défi saucisson. Défi saucisson. Ben, prends celui que t'as pas mis dans ton cul. Aussi, t'inquiète pas. Celui-là, on te le garde. Ouais, merci, c'est gentil, c'est cadeau. Par contre, garde des éclats de noisettes au passage. Hein. Mais les éclats de noisettes, c'est quoi? S'il mange du maïs ce soir, il va sortir un saucisson dans ton cul et il y aura des éclats. En tout cas, les gars, on rigole, mais pensez qu'il y a un mec quand même qui s'est coincé des couilles dans une des chaises à Ikea. Ah ouais. Pensez quand même que c'était le. Hashtag les couilles. Les couilles coincées chez Ikea, j'ai envie de me les débloquer. Justement, par rapport à ça, j'ai oublié de réagir tout à l'heure. Moi, j'ai une petite anecdote personnelle. On s'en fout, mais qu'est-ce qu'il va nous réagir maintenant, lui? Par rapport au mec qui s'est coincé les cocognettes. En fait, quand j'étais plus jeune, c'était encore les VHS, si vous en rappelez. Ouais. Et on prenait les. Dans les catalogues, les télé 7 jours, on prenait les affiches de films et on les mettait sur nos boîtiers de cassettes. Ouais. D'accord ouais. Avec moi jusqu'à présent. Ouais. Et en fait, j'ai coincé mes testicules dans un boîtier de cassettes de VHS. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour information, c'était t'as pour. Fait... Ah, c'est vrai. J'ai oublié de réagir tout à l'heure. T'as coincé tes testicules. Ouais. Bon, j'étais petite à l'époque, c'était des pois chiches. Hein. Mais maintenant, c'est des boules de pétanque. Mais oui, effectivement, j'ai. Et c'est pour ça qu'il arrive de travers. Comment t'as fait? T'as fermé la boîte sur tes testicules? Le micro s'il vous plaît. Attends, parce qu'il a piqué son micro. Pour résumer, c'est très simple. Non mais vas-y, fais pas long non plus. C'est bon, on doit en fait, j'étais en train de regarder la télé. Et puis comme tous les gosses, j'avais un boîtier de cassette. Clac, clac, clac, clac, clac. Et bon, j'avais les couilles qui pendaient, qui faisaient clac, clac, clac, clac, clac. En fait, j'avais. Je vais expliquer très rapidement, mais j'avais un short de foot. Et dans les shorts de foot, c'est pas comme les boxeurs, on a les couilles qui pendent sur le côté, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais les couilles qui pendaient. Et j'ai coincé. Et je peux même te dire, c'était quoi le film à l'époque que j'avais enregistré? Gorge profonde. Dis-moi. Jurassic Park. Ça m'étonne pas. Et je peux te dire que j'ai pris les. Il s'est fait bouffer les couilles par un T-Rex. Je préfère faire bouffer les couilles par un T-Rex, mais faire Jojo, je te. Non, c'est pas par un T-Rex. Pourtant, Jojo, il a les mêmes dents. Hein. Non, va te faire enculer, quoi. Mais pas tout le monde, mais pas partout. Et tout le monde, il est mort de rire. Non, mais. Non, mais arrête, avec. Donc en fait, tu nous racontes que t'as arrêté ta première masturbation là en fait. Ah, comment il t'a cassé ? Bah non, c'est non, je, non, il m'a pas cassé, il m'a pas cassé non. Non, il m'a pas cassé non. Ouais, non. Et donc tes parents l'ont su ça ? Bah oui, bah en fait. Ils l'ont su ça. Ils l'ont. Eh non, ils l'ont su ça. Non mais. Non mais. Su. Après ma copine m'a remercié hein, parce qu'elle m'a dit heureusement que t'avais fait ça parce que je sais pas où j'aurais mis tes couilles sinon. Parce que bon, elle a déjà du mal à les prendre dans la bouche, donc j'aurais pas perdu 2-3 morceaux de peau. Je me demande bien où elle aurait pu l'englober celle-là. Bah là, qu'à les utiliser pour faire des lunettes de soleil. Ah, toi. Avec allez, une couille, je t'assomme, toi. Cette émission part en couille, c'est qu'elle le dit. Merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir. La Libre Antenne, c'est déjà fini. On s'en rejoint évidemment dès lardi, 21h-23h. Mais avant ça, 20h, le Before avec Kev. Ah, Kev, viens ici. Hey, Kev, tout Kev, viens, Kev. Kev, Kev, Kev, Kev, Kev, Kev, Kev, Kev, Kev, Kev, Kev, Kev. Alors sache, oh il boivait tout lui. Calme-toi, calme-toi. Non, c'est le sperme qui vient de sucer juste avant, il ressort maintenant. Oh, j'arrête. Les gens qui sont ça. Arrête. Oh j'arrête. Pas bon, Joujou. Non, mais, bah allez vous faire enculer. Malhonnête. J'ai jamais été malhonnête comme ça. Hein. Sachez qu'à partir de lundi, non mais ça c'est très important. On sera plus malhonnête. Non, sachez qu'à partir de lundi, vous pourrez venir assister à l'émission. Non mais c'est bon. Ouais, vous pourrez assister à l'émission de la Libre Antenne en accueil du public dès lundi. Donc si vous voulez venir. Ouais, je tiens à préciser quand même que ceux qui viennent assister à l'émission, ils ont intérêt de payer 1€ pour avoir un coup. Hein. Ils croient pas venir et s'installer mais dans un coin et rien payer, c'est mort. Il veut bébé de la buvette. Eh oui, parce que c'est moi qui va faire la buvette. Bon, Kevin, il est où avec son micro lui? Il est déjà perdu son micro lui. Garde-moi le lit, garde la star. Alors, Kevin, ça a été ton émission tout à l'heure en direct. D'accord, merci. Ouais, ouais. Hey, Kevin, viens, Kevin. Alors, Kevin qui est youtubeur quand même à la base, hein. Je l'ai recruté comme ça. Bah, youtubeur, enfin, des fois il y a 90 vues sur sa vidéo, mais c'est déjà pas mal. Non, mais il était suivi par beaucoup de monde, mine de rien. T'as des gens qui m'écoutent là? Hein? T'as des gens actuellement? Ouais, mais. Bah, vas-y, on va dire. Pourquoi t'as eu le syndrome du président là? Ta gueule. Ouais, carrément. Je croyais qu'il y avait personne qui l'avait entendu. Ça dit quoi, ça casse les couilles. Mais non, en fait, t'as cru que t'allais passer crème, mais. Ah ouais, je t'ai dit, cassé à chaque fois, il remarque, c'est quand même. Il est suivi par toute la friterie. En plus, j'ai saucisson la bouche, c'est dégueulasse. Donc, Kevin, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Ouais, bah, rendez-vous lundi pour toi pour le Before 20h-21h avec plein d'infos, plein d'actuations. Et Kev, tu dors chez le patron? Ouais. Oh putain, mon dieu. T'as moins baillette, hein? Pas avec moi en tout cas. Bon, voilà. Il aurait fait un saut des beaux, Jojo. Bon. Il aurait été le jambon, vous auriez été le pain de mie. Il y aurait un bonus sur le cornichon. Mais vous, allez vous faire foutre. Je peux faire la maillot. Qui c'est qui a dit ça? Puis à la fin, il lâche la vinaigrette. Oh. Ah, dégueulasse. Allez, hashtag Quentin, fais gaffe. Pardon? Vas-y, on va rendre l'antenne. Ça va rendre dégueulasse. Non, mais par contre, je voudrais juste dire à la Miss, à la seule fille de l'équipe, quand même, qu'il faut pas qu'elle mette des fleurs de machin, quoi. Pourquoi? Pourquoi? De machin. C'est nul, quoi. Je t'emmerde avec ma fleur. C'est les fleurs d'anis. Mais mets un string propre et mets pas de. Non, hashtag grosse gougoute. Hashtag grosse gougoute. Non, c'est hashtag plâchons pas. Plâchons non, pas. Non, plâchons pas. Ça va aller. Non. Tu sais que ça, c'est un nouveau string. De c'est quoi un string de rechange. Ça sur la tête, ça fleur là ouais. Ouais. Quand il est plus, c'est un string de rechange. Après. Bah là, il était vert tout à l'heure, il est bleu maintenant. Hein. Ah bah là, il, ouais, bah, écoute, excuse-moi s'il n'y avait plus de papier toilette. Hein. Là, il est passé hein, parce qu'il est jaune pastel là, c'est dégueulasse. Bon, voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis évidemment ce soir dans la Libre Antenne. Rendez-vous lundi 21h-23h avec l'équipe. Ouais. Mais avant de rendre l'antenne. On va prolonger jusque minuit. Franchement, t'en as pas marre déjà de nous? Non, ça va. Non, ça va. Que, bah, que de toi, mais non, pas c'est parce nous, que vous êtes tous ensemble. Nous, mais que quand toi, c'est bon, vous êtes tous ensemble, mais dès lundi, tout ça, ça sera un peu plus calme. Quand est-ce qu'il est pas là, tonton Meunier? Parce que moi, je viens quand c'est pas là. En fait, il est là tout le temps, c'est ça le problème. Il est pas là mardi. Et il joue au football. Hashtag football. Hashtag je cours après un ballon, quoi. Bah, je préfère courir après un ballon qu'après des couilles. Ce sera le merci. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée tout le monde. On s'en rejoint dès lundi. Bon week-end tout le monde. Si vous sortez ce week-end, sortez même dès ce soir. Si vous sortez couvert. N'oubliez pas la bulle d'alcool et d'enjeu. Pas sortez à consommer avec modération. Et